couple, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Ben dites-le plutôt clairement. Disons le mot, vous avez été antisémite. Exactement, dans la mesure où je supposais les sémites nous pousser dans la guerre. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 8, épisode 9. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Si vous souhaitez nous écrire, vous pouvez le faire à l'adresse suivante, dempart@dnmx.org. Je répète, dempart@dnmx.org. Et nous sommes disponibles à l'adresse du site internet en clair dempart.site, S-I-T-E, nom de domaine qui saute régulièrement. Si vous souhaitez vous tenir informé du nouveau nom de domaine, vous pouvez le faire très simplement en vous rendant sur Gab, sur le groupe de discussion consacré à Dempart. Quand le nouveau nom de domaine est connu, en clair, je veux dire, il y est indiqué. Mais sinon, si vous souhaitez ne plus avoir ce souci, adoptez un VPN, voilà, par abonnement. Il y a plusieurs offres, bien entendu. Ou alors, comme c'est expliqué sur le site, vous pouvez tout simplement adopter Tor en utilisant le navigateur Brave, qui est l'équivalent d'un Firefox, il n'y a aucun problème. Et en un clic, vous pouvez ouvrir une fenêtre Tor spéciale, et vous n'avez qu'à copier-coller l'adresse Tor de Démocratie Participative. Vous la mettez en favori. Et donc, vous n'avez en deux clics, sans effort, accès au site internet. Voilà, donc il y a plusieurs options pour contourner la censure, bien évidemment, gouvernementale française. Pour ce qui concerne le forum Europe Écologie des Brins, comme vous l'avez remarqué, le forum n'est pas disponible depuis quelques jours. Alors, il y a eu des soucis techniques et aussi une action de censure contre le nom de domaine par les Juifs. Hein, bon, il faut parler clairement, hein, voilà. Donc, nous vous tiendrons informés une fois que le travail aura été réalisé sur le forum. Je vous rappelle qu'il avait été ciblé par le journal Libération, que Europe Écologie Les Verts avait porté plainte contre le forum. Enfin, c'est tout un épisode intéressant qui s'est déroulé. Ciblé par Libération, donc ciblé par le Mossad, hein, directement. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, ils n'aiment pas ce site. Je ne comprends pas pourquoi exactement, mais bon, et donc voilà, il faudra le. Enfin, vous serez informés lorsque nous aurons une nouvelle adresse. Alors, puisqu'il a pris la parole, je vais commencer tout de suite par lui lors de la présentation. Eh bien, c'est Derek, le cardinal, qui nous fait le plaisir d'être avec nous cette semaine. Salut, cardinal, j'espère que tu vas bien. Oui, bonjour Gandalf, bonjour à tous, ça va très bien, à merveille. Hein. Et qui récupère en mangeant des dattes de Tunisie, petite plage de publicité, peux-tu nous expliquer ça? Oui, bah écoute, comme vous avez pu le voir, la Tunisie a lancé un combat, une attaque défensive, hein, pour défendre la civilisation, en tentant de repousser le péril qui ronge l'humanité, qui est le nègre. Donc, pour soutenir l'effort de guerre, j'encourage tout le monde à manger des dattes de Tunisie, hein, attention, pas de dattes d'Algérie ou d'Israël, hein, dattes d'Israël non, mais dattes de Tunisie, très bon pour la récupération, glucides assimilations avec des fibres, c'est excellent. Et magnésium aussi, très bon pour le tonus nerveux. Donc voilà. Voilà, le mot est passé. Manger des dattes. Manger des dattes pour repousser les nègres. Voilà, de Tunisie. Exactement. Hein, de Tunisie, on précise. Est avec nous aussi cette semaine Nogarès. Salut Nogarès, j'espère que tu vas bien. Salut Gandalf, salut aux participants et aux auditeurs. Oui, tout va bien pour moi, une semaine calme cette fois-ci. D'accord, est aussi avec nous cette semaine Diabolix. Salut Diabolix. Salade ben koumkoum à tous, bon ramadan. Et pour faire suite aux dates, je conseille et j'incite vivement les auditeurs à acheter le couscous grain moyen de chez Carrefour, car je viens de m'apercevoir que son origine est ce couscous moyen est fabriqué en Savoie à partir de blé dur cuit en France. C'est-il pas merveilleux tout ça? Ah, bah oui, faut s'adapter, hein, faut produire local, tu vois, pour les populations locales aussi. Le couscous à la saucisse de Morteau, ça doit être génial. Alors, nous allons remercier nos donateurs. Vous savez que tout ce que nous faisons dépend exclusivement des dons de nos auditeurs, de nos lecteurs. Donc, n'hésitez pas. Ça va de même aussi pour le forum, bien entendu. Alors, vous pouvez le faire en crypto-monnaie, Monero. Il y a un guide explicatif à droite sur le site. Comment nous faire nous soutenir en Monero. C'est pas très compliqué, donc référez-y vous et vous maîtriserez tout ça assez vite. Et d'une manière plus générale, utilisez Monero si vous le pouvez pour passer, pour en fait opérer vos virements nécessaires hors de la surveillance gouvernementale. Alors, don numéro 1, bonjour Gandalf et à toute l'équipe. Un don de 0,1 Monero vous a été envoyé. Franchement, c'est une émission qui devrait être d'utilité publique et je dirais même remboursée par la SS, la Sécurité Sociale, au lieu de nous balancer la chiapa à la une de Playboy. Bonne émission, une pensée pour Vincent Renoir, bien entendu. On a également une pensée pour Vincent. Et c'est signé Alpineur, qui est un donateur régulier. Chaque mois, il nous soutient. Salut à toi, Alpineur. Merci pour ce compliment. J'aimerais aussi que l'émission soit remboursée par la Sécurité Sociale, je ne vous le cache pas. Et oui, cette émission est autrement plus thérapeutique que cette femme obèse qu'on appelle Marlène Schiappa, est-ce seulement une femme, je vous pose la question, qui s'étale sur Playboy. Alors, il n'y a pas qu'elle, hein, y a aussi son cul, donc ils sont à deux. Bon, je ne comprends pas exactement la motivation et cette agression caractérisée contre les lecteurs Playboy qui, ma foi, ne font de mal à personne. Mais bon, voilà, c'est les dernières nouvelles du Macronistan. C'est dire si nous sommes tombés bas. Don numéro 2. Bonjour, je vous adresse mon don du mois de mars ainsi que mon don du mois de février que j'avais manqué pour un total de 2 Monero. Merci pour votre travail. Et c'est signé Blickpal. Merci Blickpal qui nous a déjà fait des dons dans le passé. Donc évidemment, c'est un don significatif, donc merci. Ça nous permet évidemment de tenir, notamment pour le forum, parce qu'il y a de la maintenance là, et il y a un gros boulot à faire. On s'est retrouvé dans un truc technique assez casse-pied. Voilà, donc merci Blickpal. Don numéro 3, bonjour, voici un don de 0,19 Monero, bravo pour vos émissions et le forum. Alors bon, pour le coup, on espère qu'il va revenir vite, surtout continuez. C'est signé. Kilia, merci beaucoup Kilia, ça doit être son premier don, autant que je sache, si je me trompe, il pourra me corriger dans un prochain email, bien sûr. Don numéro 4, un de nos plus anciens donateurs, salut à toute l'équipe, je vous adresse mon don pour le mois de mars 2023, comme toujours, j'ai une pensée pour Vincent, bonne continuation, c'est signé Mélas Autocrator, un démocrate participatif, merci à toi Mélas. Et merci à tous ceux qui nous font des dons sans se signaler, sans nous envoyer d'email. Si vous souhaitez le faire, n'hésitez pas. Si jamais, par hasard, vous n'avez pas eu de réponse après une demande de confirmation ou un petit message, il est probable que ce message soit passé en spam ou ne soit pas passé tout court. C'est pas courant, mais ça peut arriver quand le service email déconne un peu. Bon, c'est quand même pas très courant, mais voilà. Donc n'hésitez pas, si vous êtes sans réponse, vous relancez, n'hésitez pas du tout. Hein. Alors, rubrique numéro 1, courrier des lecteurs. Bon, on attaque l'émission, messieurs. Hein. Alors, voici ce courrier. Bonjour à vous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier du travail que vous réalisez. J'entame ma vingtaine et c'est un plaisir d'entendre des points de vue aussi limpides et instructifs que les vôtres. Depuis quelques semaines, je dévore un par un, les podcasts. Je me régale. J'ai tant de choses à vous demander, mais je vais essayer de faire court pour mon premier courrier. Ma question porte sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Pensez-vous qu'il y aura une mobilisation en France pour aller se sacrifier pour la gloire de l'Ukraine? Si oui, dans combien de temps cela pourrait-il se produire? Lors d'une des premières émissions de la saison, je vous ai entendu parler d'une potentielle mobilisation dans les pays qui soutiennent l'Ukraine. Je réside actuellement en France, nous dit notre auditeur. Depuis, je redoute tous les jours d'entendre parler d'une potentielle mobilisation. Avec tout le chaos qui se déroule actuellement en France, je souhaite m'expatrier au plus vite. Cependant, je pense que c'est plutôt lié au retrait, tout ça, enfin, tout l'espèce d'anarchie ambiante qui prévaut, quoi. Hein, je ne pensais pas lié à ça. Avec tout le chaos qui se déroule, voilà. Cependant, nous dit-il, il reste encore 3 années minimum avant d'obtenir un diplôme d'ingénieur. J'hésite aussi à tout plaquer pour aller recommencer mes études à l'étranger, mais je ne sais pas où me tourner. J'espère malgré tout trouver des réponses à mes nombreuses questions sur le forum. Oui, on va tout faire pour qu'il puisse fonctionner. Je vous remercie de porter un intérêt à mon message. Racialement vôtre, et c'est signé D. Alors, avant de donner la parole à nos participants, il y a deux éléments. Hein. C'est voilà, est-ce que je dois recommencer un cycle d'études à l'étranger sur une page blanche, etc. Donc ça, c'est une partie en tant que telle, et la première, la mobilisation, etc. Alors, je veux donner tout de suite des éléments de réponse circonstanciés et sourcés à notre auditeur. Il faut distinguer plusieurs choses, c'est-à-dire que vous avez la mobilisation générale, comme on a pu la connaître en 1914, en 1939, où là, toutes les personnes en âge de porter les armes sont appelées à se présenter, au bureau, entre guillemets, de recrutement. Bon, en fait, c'est à la caserne du régiment le plus proche. Bon. Mais ce modèle-là a été abandonné en France, donc en fait, il n'y a pas la structure actuellement qui... Oui, il n'y a pas du tout l'organisation voilà. Pour, quoi. On le verrait venir, ça prendrait quand même quelques mois. Oui, ça prendrait un peu, voilà, tout à fait. Non seulement il n'y a pas la structure, mais en plus, comme on n'a pas formé les gens, si tu les appelles sous les drapeaux, que tu leur files un fusil d'assaut, que tu leur dis gentiment « démerde-toi », ça risque d'être très drôle une fois au front. Certes, alors justement, j'en viens à ça, donc il y a la mobilisation et ensuite il y a la conscription. Et c'est là que ça devient un peu plus vicieux, c'est-à-dire que la conscription, c'est que vous êtes théoriquement mobilisable, mais ça ne veut pas dire que vous allez être mobilisé. Vous voyez ? Et c'est là qu'on rentre un petit peu dans la loterie. Et là, je vous donne cette source complémentaire, et tout particulièrement à notre auditeur, qui me paraît tout à fait éclairante, de ce à quoi réfléchissent aujourd'hui, alors non pas des petits pays d'Europe de l'Est, mais l'Allemagne. Alors je vous lis ça, c'est France Info. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, l'Allemagne réfléchit à rétablir le service militaire obligatoire. L'idée fait débat outre-Rhin. C'est le nouveau ministre de la Défense, Boris Pistorius, en poste depuis un mois, qui a relancé le débat en qualifiant il y a quelques jours d'erreur la fin du service militaire obligatoire. Donc là, il parle du service militaire. Mais bien évidemment, vous allez comprendre qu'il y a, un processus en cours. Il a été supprimé en Allemagne en 2011. La conscription obligatoire a été remplacée par un service volontaire qui rassemble cette année 9200 participants, dont 18% de jeunes femmes. Donc en fait, il y a même moins de 10 000 personnes qui reçoivent une formation militaire comme volontaire en Allemagne en ce moment. Donc c'est un pays qui est virtuellement complètement démilitarisé. Selon les estimations. Ouais, non, ça, c'est les jeunes qui suivent. C'est ça, les conscrits, ouais. Mais je veux dire, c'est différent de l'armée de métier, quand même. Hein. Oui, mais leur armée de métier est toute petite. Oui, ça, oui, oui. Un petit peu, un peu moins, quand même, sur ces dernières années. Enfin, ça commence, mais bon, oui, ça prendra du temps. Alors, selon les estimations, un retour du service militaire permettrait d'appeler sous les drapeaux 700 000 jeunes chaque année. Cela permettrait de se rapprocher de l'objectif que s'est fixé le chancelier, faire de la Bundeswehr, donc l'armée allemande, la force armée la mieux équipée d'Europe, car l'armée allemande manque non seulement de matériel, mais aussi de personnel. 45% y sont favorables, 39% y sont opposés. Les hauts responsables militaires sont plutôt opposés à l'idée, apparemment. Le principal blocage est d'ordre logistique. Après la fin du service obligatoire, la Bundeswehr s'est débarrassée d'un certain nombre de ses casernes, nécessaires pour loger des recrues. L'autre problème, c'est le manque d'instructeurs, sans oublier les pénuries de matériel déjà largement insuffisant pour équiper les 55 000 militaires de carrière. Donc tu vois, c'est une armée de 55 000 hommes. C'est une petite armée, hein. Pour relancer le dispositif, 7 à 8 années seraient nécessaires, selon les experts militaires, qui disent aussi que ce n'est pas d'un volume important de jeunes appelés dont l'Allemagne a besoin, mais de personnel hautement qualifié pour constituer enfin une armée moderne. Car les armes et les technologies sont de plus en plus sophistiquées, leur maniement requiert de l'expérience. Alors, je passe là-dessus. Alors, le modèle norvégien. L'article se poursuit là-dessus. En fait, ils auraient une solution, et vous allez voir pourquoi j'ai trouvé que c'était pertinent. La solution serait peut-être un compromis à l'allemande, inspiré du modèle norvégien. Tous les jeunes sont soumis au test de sélection militaire, c'est l'équivalent des 3 jours que passait chaque futur appelé en France. Mais ensuite, seule une petite partie est choisie et sélectionnée pour passer le service militaire, en fonction des besoins de l'armée, chaque année. Ce dispositif a l'avantage d'être plus adapté aux besoins, réel et moins coûteux, mais il ne pourrait voir le jour que si le budget de la défense augmente de façon conséquente, car le fonds spécial de 100 milliards d'euros débloqué l'an passé par la Bundeswehr, ne serait pas suffisant. Alors, c'est quoi l'élément intéressant ici? C'est la loterie dont je parlais. C'est-à-dire que on peut théoriquement mobiliser une classe d'âge, elle se présente lors, effectivement, de 3 jours d'évaluation, et les officiers, recruteurs, regardent, observent, évaluent. On va regarder le CV, on va regarder le physique, on va regarder la mentalité, etc. Et ensuite, vous allez recevoir ou pas une invitation à vous présenter à la caserne la plus proche, ou celle qu'on aura choisie pour vous, parce que peut-être que vous serez versé dans un autre type de régiment, peu importe. C'est ça qui est intéressant, c'est que, alors, théoriquement, tout le monde peut être appelé, mais en pratique, c'est l'armée qui fait ses courses. Alors, c'est redoutable parce que, et c'est là où je voulais en venir, c'est très inégalitaire. Parce qu'évidemment, on va se retrouver dans la même situation si jamais ça dégénère à l'Est, et que la France, pour X raisons, et là je pourrais aussi donner mon point de vue un tout petit peu après sur la question, mais durant le Covid, bon, tout le monde était confiné. Et puis en Seine-Saint-Denis, on a remarqué que les Arabes et les Noirs n'aimaient pas rester confinés. Et le préfet de Seine-Saint-Denis a dit « Oui, mais bon, mais ici, ça ne s'applique pas vraiment. » Voilà, voilà. Donc en fait, les Noirs et les Arabes ont été dispensés en Seine-Saint-Denis d'appliquer le confinement. Donc ils pouvaient rester dehors, poser leurs chaises, continuer à dealer, etc. Ouais. Voilà. Et en fait, imaginez ce qui se passerait si demain, il faut trouver des jeunes qui se tiennent à peu près debout, qui sont capables d'obéir à un ordre, qui ne sont pas complètement débiles, et pour qui éventuellement... dans leur grande naïveté, pourraient croire que le drapeau tricolore les représente. C'est évident que les officiers recruteurs qui seraient là, d'emblée, ils vont écrémer tous les Arabes de banlieue et tous les Noirs de banlieue. Donc déjà, ça va écrémer sérieusement. Or, vous connaissez la composition ethnique du pays comme moi, surtout dans les classes d'âge les plus jeunes. Donc ça ferait beaucoup de monde qui, comme par miracle, ne recevrait pas de papier magique pour les inviter à se présenter auprès des autorités militaires. Si la France adoptait, comme c'est la tentation en Allemagne, un système comme il t'appelle la norvégienne. Voilà. Donc ce serait en fait qui serait appelé. Donc qui serait appelé? Évidemment des jeunes blancs. Ce seraient des jeunes blancs de bonne famille qu'on fait des études décentes. Et voilà, et ils pourront pas dire non mais j'ai pas envie, j'ai pas, voilà, ce sera pas possible, voilà. Alors que les autres pourront continuer à faire ce qu'ils font d'habitude, c'est-à-dire dealer de la drogue et cramer des bagnoles. Voilà en gros ce que je pense qui risque de se passer. Alors après on peut discuter du volume de personnes dont ils auraient besoin, mais ça c'est encore une autre discussion. Donc je crois, si vous voulez, que c'est ça le risque, et je pense que c'est réel. Gandalf, quand tu parles des jeunes de bonne famille, N'oublie pas qu'avant ça, tu vas pouvoir écrémer tous ceux qui, par combine relation et piston, auront joyeusement évité ces appels parce qu'ils sont fils de ministres, parce qu'ils appartiennent à la bonne petite bourgeoisie du 16e arrondissement, etc., etc. Ça va aller. Si c'était amené à se passer, effectivement, ça irait piocher dans la province, quoi. Hein, les blancs d'un petit peu partout, des régions, des villes moyennes, des campagnes. Plutôt, tout ce qui est ville moyenne, les coins où l'immobilier est pas trop cher, quoi, tu vois, les coins où on doit aller loin pour pas être parmi les nègres du centre-ville, et pas dans les coins friqués, parce que bon, les coins friqués, effectivement, on trouvera toujours la combine pour dire que on a une nécessité de ne pas aller se faire transformer en pâté, quoi. Bah ça marchera comme la carte scolaire, en fait, hein. C'est en grosso modo. Ouais. C'est-à-dire que Boboland, sinon... Excuse-moi, Gandalf, sinon, je pense que ça fera peut-être aussi comme la Révolution française, c'est-à-dire qu'on ira dans les quartiers de privilégiés choisir les blancs, mais ils auront le droit de payer un remplaçant du peuple pour aller à leur place. La levée en masse, ce serait marrant. Rappelez, la levée en masse, c'est ce qui a déclenché la chouannerie. Je veux dire, les gens n'ont pas voulu aller se battre dans l'Est de la France, à l'époque l'Est de la France, parce que d'abord, ils n'aimaient pas le régime, qui les persécutait religieusement, et ensuite, ils ne voulaient pas aller se battre loin de chez eux. Donc, c'est là qu'on a vu la Vendée, la Bretagne, l'Ouest s'enflammer, l'Ouest de la France. Et donc, les levées en masse, ça peut être à double tranchant, je veux dire. Et parce que du coup, ça a détourné une partie des armées révolutionnaires, en France même, parce qu'ils ont été obligés de consacrer des ressources militaires pour pacifier, entre guillemets, donc par la violence, la Vendée. Donc effectivement, une mobilisation pourrait générer quelques surprises. Enfin, je veux pas non plus anticiper trop vite, mais c'est marrant comme analogie, effectivement. Même si toi, tu pointes du doigt Je pense que les boomers sont prêts, par contre. Ils sont prêts totalement. Ça leur ferait du... Enfin, ils pourraient continuer à suivre leur feuilleton sur BFM, tu vois, en se disant, voilà, on y va, ça y est. C'est leur série, c'est leur Netflix permanent, BFM TV aux boomers, ils ont leur truc, ils suivent ça. Voilà. Et ça, nous sacrifier pendant que les nègres continuent effectivement à grimper aux arbres. Enfin, aux arbres, hein, aux abribus, pardon. Ça, c'est quelque chose qui est dans le domaine de l'acceptable, voire même du plaisant, hein, pour cette génération maudite. Oui, je pense que là, ça va être la première fois de leur vie qu'ils vont être militaristes. De toute manière, oui, ils étaient pour la retraite à 60 ans quand ils étaient jeunes. Et antimilitaristes, oui, il n'y a pas de raison qu'ils soient pour que nous on ait une retraite à 75 ans et qu'on aille se faire trouver la peau, bien sûr, parce que la retraite à 75 ans, attends, pour ceux qui auront survécu évidemment au conflit, bien sûr, bien entendu. Alors, sous réserve qu'il n'ait pas été condamné pour racisme. D'ailleurs, il faudrait conditionner la retraite, hein. Au fait qu'on n'ait jamais été condamné à aucune discrimination, en général, quoi. Oui, aucune peine pour racisme. Voilà. Oui, t'as raison. Alors, ceci dit, Gandalf, pour en revenir sur la longue démonstration allemande qui me fait bien rigoler, parce que bon, en Belgique, c'est exactement le même topo, c'est-à-dire qu'on a fermé des casernes, donc déjà, on n'a pas la place pour pouvoir accueillir les nouveaux. Mais il y a un autre phénomène, c'est-à-dire que comme on ne se reproduit plus, on ne fabrique plus une quantité de chair à canon suffisante que pour aller mourir dans les tranchées. Il va peut-être falloir s'en rendre compte. Et autre chose, parce que c'est là où quelque part tu t'aperçois que la connerie humaine au niveau européen est tellement ancrée dans les cerveaux qu'on ne changera jamais rien. On te dit qu'il faut nécessairement former des gens pour de l'armement de plus en plus sophistiqué. Je rappelle que depuis la guerre de Corée, nous perdons systématiquement la totalité de nos conflits, alors que nous avons du matériel extrêmement sophistiqué face à des guignols en pantoufles et pyjamas. Donc, à un certain moment, il va falloir comprendre que les gens qui gagnent les guerres avec du matériel simple, fiable, mais peu coûteux. Tant qu'on n'est pas rentré dans ce mode de raisonnement, on continuera à se retrouver à poil. Ouais, et puis, si je peux continuer sur l'analyse de Diabolix, c'est-à-dire pour revenir au fond de l'affaire, en fait, de mon point de vue, c'est à nouveau le problème en fait de notre système républicain ou occidental, on appelle ça comme on veut, c'est-à-dire que c'est lui-même qui se bloque dans ses moyens, c'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté de militariser la société. Il y a eu de bons articles d'Henri Varol pour montrer ça, notamment sur le fameux SNU, le Service National Universel, enfin je ne sais plus le nom, vous m'excuserez, dont l'obligation a été repoussée par Macron, mais qui constitue une sorte de remilitarisation de la jeunesse, mais en même temps il ne se donne pas les moyens de le faire, comme les commandes en termes d'avions, de porte-avions, de chars, etc., qui sont sans cesse déléguées, repoussées, diminuées, etc. Donc ça c'est sur la question matérielle, vraiment que la, même la chair à canon, hein, on vous en avait parlé longuement sur les difficultés de recruter. Aux États-Unis, ils ont vu que l'obésité était un frein assez majeur là-dessus. Mais il y a aussi, ça on l'a dit à plusieurs reprises, mais faut insister dessus, le système républicain qui a cassé l'idéologie qui faisait que le peuple se soulevait pour une cause qui était la nation, la patrie. Maintenant, on demande au peuple de se battre pour une idéologie complètement vague qui est les valeurs de la République. Alors en plus, quand on voit ce qu'il y a dedans, ça donne pas envie. Donc finalement, tout ça mis en compte, d'un côté, il y a cette volonté de militariser la société, mais de l'autre, il n'y a aucunement les moyens. Et je pense qu'on n'est pas de sitôt de les avoir, ces moyens. Oui, ben, en fait, c'est... Bon, pour parler de cette possibilité, bon, actuellement, l'OTAN a déployé plus ou moins 300 000 hommes sur le flanc oriental face à la Russie. Et d'après ce qu'on apprend des déclarations internes à l'OTAN, ils sont quand même, donc les officiers de l'OTAN sont quand même tout à fait choqués par la létalité du conflit en Ukraine. Ça, les pertes ukrainiennes sont vraiment considérables, alors qu'elles sont bien encadrées, bien renseignées, elles ont pratiquement accès à tous les types d'armes nécessaires. Alors, il y a des limites, hein, parce qu'il y a des déséquilibres, notamment en artillerie, etc. Mais bon, c'est une armée qui est prise en main par l'OTAN et qui est motivée. Je veux dire, les Ukrainiens sont motivés, ils se battent, il n'y a pas de problème. Et il y a quand même beaucoup de morts, vraiment beaucoup de morts. Et en un an, bon, il y a différents chiffres qui circulent, mais on est entre 200 000, 250 000 Ukrainiens tués. Je n'ai pas de chiffres véritablement fiables pour les Russes, mais ce sont des conflits sanglants. On est en une année et on ne voit pas véritablement de fin, parce que si l'OTAN décide que ça doit durer, ça durera encore. Et puis il peut s'élargir. Donc ils ont 300 000 hommes, mais il y a un biais déformant dans l'analyse de l'OTAN, c'est que il y a un complexe de supériorité en termes de matériel. Donc ils se disent, voilà, on a technologiquement le meilleur matériel et ça suffit. Et regardez les Russes, il y a rien qui va, etc. Or, plus le conflit dure, plus ils se rendent compte que oui, l'armée russe est rustique, oui, il y a de la corruption, oui, il y a des trucs qui déconnent, mais elle reste déterminée et elle se bat. Donc, il n'y a pas de débandade de l'armée russe, Il y a une montée lente en puissance de l'armée russe qui mobilise, qui a mobilisé quand même, partiellement certes, mais quand même mobilisé. L'espérance du côté de l'OTAN, c'était que cette mobilisation allait susciter un mouvement d'opposition intérieure à la société russe, qui n'a pas eu lieu. Ils voulaient voir des femmes ou des mères de soldats qui dénoncent le pouvoir en place, etc. Ça n'a pas eu lieu. On pourra toujours trouver des plaintes ici ou là, mais il n'y a pas eu de mouvement de fond de protestation. Donc la société russe est déterminée à aller jusqu'au bout. Et ça les choque, les deux choses les choquent, c'est-à-dire le niveau de violence qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps et le fait que les Russes ne désarment pas. Donc ils se disent, si le conflit doit s'élargir, ce sera un conflit très sanglant face à un ennemi qui sera déterminé. Et là, leurs 300 000 hommes, tout d'un coup, paraissent insuffisants. Et donc, si on est à la tête de l'OTAN, hein, donc comme le sont les États-Unis, on commence à se dire, bon, s'il faut mettre davantage d'hommes sur le terrain, où va-t-on regarder? Qui est capable? Qui pourrait avoir l'expérience, la détermination? Et si on regarde, alors parce que l'Ukraine était quand même au départ un pays avec des ressources humaines assez considérables, c'était un pays qui théoriquement faisait 37 millions d'habitants, bon, il y a la moitié d'hommes, la moitié de femmes, donc évidemment, au plan militaire, on s'intéresse surtout à la partie masculine par évidence. Bon, il y avait de quoi faire. Bon, mais la Russie continue à mobiliser et prévoit encore d'accroître la taille de son armée terrestre et qui va vraiment devenir une armée considérable, je veux dire. Une armée de terre considérable. Alors, il faut regarder autour. Alors, qui c'est qui pourrait être déployé? Les Polonais? Les Polonais, historiquement, n'ont jamais impressionné quiconque sur les champs de bataille. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas faire grand-chose. Même si, peut-être, à Varsovie, ils se montent la tête. Ça ne doit pas convaincre grand monde en Europe. Les Allemands, bon, ils sont en très mauvaise position interne, on l'a vu. Le fait qu'ils soient en train de s'interroger sur une mobilisation, bon, traduit quand même assez le désarroi de ce pays. Dans les pays scandinaves, bon, les Finlandais sont certainement déterminés, mais on parle d'un pays de 5 millions d'habitants. Alors, ils sont bien gentils, les Finlandais, ils parlent de leur guerre d'hiver, etc. Oui, d'accord, mais in fine, en 1944, ils ont signé Amen à toutes les demandes soviétiques. Une fois que l'Allemagne était hors dehors du conflit, pratiquement, ils ont ratifié les demandes soviétiques, pour ne pas se faire complètement avaler. Et donc, qu'est-ce qui resterait? Et je pense que si on est américain, enfin si on est un décisionnaire américain au Pentagone, on va miser sur des gens qui ont un appareil militaire éprouvé. Et en Europe, il n'y en a pas 36, il reste la Grande-Bretagne et la France. Et ce n'est pas très reluisant du côté de ces deux pays, et c'est même pire en Grande-Bretagne. Mais les Américains iront vers ces deux pays-là. Pourquoi? Bon, bah, ils n'ont pas complètement démantelé leur capacité militaire, ils ont une expérience, etc., etc. Et c'est là que ils peuvent leur dire, tout ça étant discuté bien évidemment en secret, entre des représentants de différents ministères, différents gouvernements, bon, il faut se préparer, il faut, voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et donc, on peut, à ce moment-là, la France pourrait demander, enfin, pourrait décider de mobiliser une partie de ses forces armées pour aller à l'Est, probablement au début pour dissuader, ils diront ça comme ça, qu'il s'agit de dissuader, il ne s'agit pas d'intervenir, il s'agit de dissuader, de renforcer les positions, etc. Et puis, si jamais ça dégénère, on dira, bon, voilà, il faut vraiment être prêt, il faut envoyer des gars, et voilà, voilà. Ce ne sera pas la France seule, évidemment, qui va garnir le front. Mais on dira, voilà, on ne peut pas faire que de la figuration, maintenant c'est sérieux, etc. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez avoir vraiment une mauvaise... Enfin, les jeunes peuvent avoir une mauvaise surprise, vraiment. Les jeunes blancs, je précise. Hein. Ils peuvent avoir une mauvaise surprise, c'est-à-dire que, pour X raisons, on estime que leur profil correspond aux demandes, et vous pouvez pas, entre guillemets, vous défiler. Vous ne pouvez pas vous défiler, vous ne pouvez pas dire « non, non, je ne suis pas d'accord », etc. Donc, alors, ça paraît certainement à certains de nos auditeurs excessif, très exagéré, pas réaliste. N'empêche que si jamais ça dégénère franchement à l'Est, je ne crois pas que l'OTAN s'appuie réellement sur des pays comme la Roumanie, sur des pays comme la Pologne, Et je crois que même si tout le monde serait appelé à contribuer, je pense que fatalement, ce sera les pays avec le plus d'expérience qui seront sous la pression américaine pour fournir. En sachant que, regardez la position financière française, parce que ça joue aussi, qui prête de l'argent à la France ? C'est essentiellement les bailleurs de fonds, les grands bailleurs de fonds internationaux, mais qui sont contrôlés par les États-Unis. Et on peut faire comprendre à la France, et notamment au gouvernement français, que s'ils jouent bien le jeu, s'ils savent mobiliser des ressources humaines, etc., et matérielles, pour cet effort de guerre, eh bien, on saura trouver des accommodements sur la dette souveraine, sur le truc, faire des rallonges, voilà. Ce qui, évidemment, permettrait de dormir sur leurs deux oreilles aux dirigeants politiques français, alors que si on leur dit, bah, messieurs, si vous ne jouez pas le jeu de la solidarité, pourquoi on essaierait de vous arranger, etc. Ça peut devenir beaucoup plus compliqué pour vous financièrement. Et là, il y a des moyens de faire pression, je veux dire, sur les autorités françaises. Donc, moi, je dis que ce n'est pas du tout un scénario improbable. C'est possible. Et ce ne serait pas une mobilisation générale, comme j'ai bien expliqué. Mais on sait déjà chez qui les lettres arriveraient. Hein. Voilà. Donc, c'est très réel. Alors maintenant que j'ai dit ça, là, évidemment, je pense qu'il se pose la question. Il se dit, bon, est-ce que j'ai pas envie de finir là-dedans, etc. Donc, je dis pas que c'est garanti à 100%. C'est pas ce que je dis. Donc, il faut garder ça à l'esprit, d'accord. Il n'y a pas de certitude, bien entendu. Je pense qu'il y a quand même un risque croissant. L'autre point, c'est... est-ce que je dois m'expatrier ? C'est pas la première fois qu'on nous pose la question. C'est toujours difficile de se mettre dans les chaussures de quelqu'un en disant, voilà, il faut que vous expatriez, vous devez faire ci, vous devez faire ça, parce que c'est un choix personnel. Mais c'est certain qu'aujourd'hui, quand on est en Europe de l'Ouest, les possibilités, d'un avenir radieux sont considérablement réduites. C'est sûr, c'est sûr. Surtout quand dans le cas de notre auditeur, je pense qu'il faut qu'il continue dans ses études d'ingénieur, parce que c'est toujours intéressant, et qu'il surveille un petit peu ce qui se dit dans les journaux, dans les médias, sur ces plans-là. Quoi. Bon, pour l'instant, on n'y est pas encore. Hein. Il y a des, comme tu l'as dit, en Allemagne, ils pensent à des trucs, mais c'est plus. C'est plus parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont pas grand-chose. Voilà. Hein, si ça se fait, plusieurs mois avant, on le verra venir, je pense. Hein, tu le verras, oui. Pas comme ça. Oui, tu le verras plusieurs mois. Mais après... Il y a le temps, quoi. Il y a le temps d'avoir au moins un semestre pour se retourner. Ah oui, je pense. De toute façon... Faut pas penser à se barrer parce que demain, la mobilisation arrive. Non, ce serait pas comme ça. Mais... Je veux dire, bon, pour moi, ça c'est ma conviction intime. Je pense que le conflit va s'élargir, il va pas se calmer, il va s'élargir, je pense. Que c'est prévu depuis longtemps. Je pense que c'est une guerre qui est prévue de beaucoup plus longtemps qu'on ne pense, mais que, en fait, parce que les politiciens sont ce qu'ils sont, il y a eu aussi une surestimation de la puissance de l'OTAN, parce que quand on regarde sur le papier, si vous voulez, l'OTAN c'est très puissant. Hein, c'est des dizaines d'États, en théorie mobilisables, etc. C'est je ne sais combien de soldats. Et en fait, ce qu'ils commencent à réaliser, c'est que face à un ennemi conventionnel déterminé comme la Russie, la consommation du matériel, des munitions, va très vite. Donc en fait, ils ont bien le meilleur matériel. Le problème, c'est que la quantité, la coordination, la capacité à déployer très rapidement. La volonté d'aller faire la guerre des populations, etc., c'est autre chose. Et là, ils sont un peu pris de court. Donc, on les voit, ils sont là avec l'Ukraine, ils savent pas trop faire comment. Là, j'ai vu que les munitions, là, la France a commencé à produire des obus 155, me semble-t-il, pour l'Ukraine. Je crois qu'ils prévoient d'en fournir, je veux pas me tromper, mais je crois que c'est 2000 unités par mois. Mais ça, c'est pour commencer. C'est-à-dire qu'il doit... Et puis en plus, c'est tous les pays qui s'y mettent. C'est-à-dire qu'il y en a un qui fait 2000, un autre qui fait 1000, un autre qui va faire 4000 ou 5000. Les Américains vont probablement, ils ont déjà décidé d'augmenter considérablement leur production de munitions, etc. Donc, je veux dire, les États occidentaux ne sont pas l'arme au pied non plus. Je veux dire, c'est pas des gens qui n'ont absolument aucune ressource. Ils ont des moyens. Simplement, ils ont été un peu surpris de la riposte russe. Ils ont probablement pas anticipé ça. Et du coup, bah, il faut voilà. Alors, mais ce qu'on voit, c'est qu'ils commencent à produire davantage de munitions. Voilà. Mais y a quand même une impréparation générale. Les Français, par exemple, ils n'ont pas de tanks, par exemple. Ils n'ont pas de chars. Et ça, c'est un énorme problème. Il y a 200 chars Leclerc opérationnels. Quand vous savez la durée de vie d'un tank sur un champ de bataille aujourd'hui, pour la France, c'est un très gros problème. Donc, ils ont les chars allemands avec lesquels les Allemands ont achalandé en fait pratiquement tout l'OTAN. Donc là, ils ont de la réserve. Mais vu les rythmes de destruction, quelle est la capacité de production? Les Allemands ont sûrement les moyens de produire, j'en suis sûr. Les Français, c'est complètement différent. Les Français n'ont même plus de ligne d'assemblage de chars depuis 2007 ou 2008. Ils pourraient en réouvrir, mais ça prend du temps. Ça ne se fait pas comme ça du tout, par contre, pour ce type de choses. Quoi. Voilà, donc c'est pas un fantassin auquel on apprend à courir, machin, bon, auquel au maximum il faut 6 mois. Je suis gentil, hein, mais... bon, voilà, quoi. Mais en tout cas, le risque n'est pas zéro. Voilà. Mais il faut bien aussi comprendre qu'ils sont encore dans une logique d'armée professionnelle. Hein. Ils ont encore ça en tête, c'est les armées de pros, très sophistiquées, avec du matériel de pointe, etc. Et voilà, c'est encore ça l'idée. Et le fait de déployer beaucoup d'infanterie, c'était quelque chose qui était considéré comme appartenant au passé. Et donc le temps qu'ils se réadaptent, y a un temps de latence, quoi. Mais une fois qu'ils décident, ça peut aller entre guillemets assez vite. Voilà. Bon, voilà ce que j'aurais à en dire aujourd'hui. Rubrique numéro 2, les amis, le sale pougnoule de la semaine. Et je vous en ai trouvé un très très bien. C'est Mehdi, étudiant étranger, paraît-il, à Paris 8, qui en a assez du racisme et de la xénophobie, qui est très remonté contre le projet de loi sur l'immigration de Moussa Darmanin, pourtant un de ses compatriotes. Il nous en dit plus dans une prise de parole où il était donc en face du Panthéon, me semble-t-il, hein, plutôt le Panthéon, je crois. Et il était entouré d'autres étudiants étrangers, très noirs, très très noirs, très revendicatifs aussi, et on l'écoute, et on se retrouve, vous allez voir, il a une conception de l'histoire de France tout à fait particulière. Donc, bonjour à toutes et à tous, Mehdi, étudiant étranger à Paris 8, je suis militant au Point Levé et membre du collectif des étudiants étrangers de Paris 8. Ça fait très très très très très plaisir de voir ce monde. Aujourd'hui, je fais un appel à tous les étudiants, étrangers, pour qu'on soit main dans la main contre cette loi raciste. Juste camarades, pour qu'ils sachent, nous on n'est pas venus ici pour regarder la tour Eiffel qu'ont construit nos grands-parents. On n'est pas venus ici pour être fiers du métro que nos grands-parents aussi ont créé. Nous, ce qu'on veut dire, c'est qu'on n'est pas ici par hasard. Ils sont venus nous chercher en Afrique. Quand il y a eu la guerre, quand il y a eu la guerre en Europe, c'était les tirailleurs marocains, c'était les tirailleurs sénégalais, c'était les 200 000 soldats algériens réquisitionnés. On n'est pas venus ici par hasard. Et aujourd'hui, ça fait de la peine de voir nos darons, nos grands-parents crever au travail. Aujourd'hui, ce qui se passe aussi avec la réforme des retraites, c'est qu'ils mettent les étrangers à la marge. Pour eux, nous, on n'existe pas. On n'a pas de retraite. On n'a pas de retraite. Nos darons, c'est pas 64 ans. C'est 70 ans. C'est 75 ans. Parce qu'ils ont commencé à cotiser à l'âge de 30 ans. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est important, camarades, de faire le lien entre la réforme des retraites et la loi immigration. Il faut élargir les mots d'ordre, parce que les premiers touchés, ça va être les étrangers, ça va être nos darons, et ça va être nous. Merci beaucoup, camarades. Alors, les gars, Mehdi nous rappelle quand même quelques vérités très importantes. Donc, les Algériens ont construit le métro de Paris. Ils ont construit la tour Eiffel. La France est raciste. Ok. Et lui, en tant qu'étudiant étranger, il en a assez et il veut faire la loi. quelle est votre impression? Est-ce que vous êtes d'accord avec Younamar. Younamar, en fait, hein, c'est ça. Quoi. Ouais, Younamar. Younamar, Younamar, Younamar. Avec cet accent si attachant. Moi, j'aime ça. Oui, et puis vraiment, là, bon, les auditeurs entendent, hein, mais il faut voir, quoi. Il a vraiment la tête de l'Algérien, quoi. Hein, avec la barbe, ce regard à te donner un coup de couteau dès que tu tournes la tête, tu vois. C'est vraiment cette bienveillance dans le regard. Ouais. Oui, la bienveillance du logeur éternel, quoi, tu vois, c'est ça. Ouais. La bienveillance de la lame qui vient te chatouiller la carotide. C'est, Donc toi, t'es moyennement convaincu par l'argumentaire. Toi, tu dis, pas tellement, quoi. Ouais, je suis convaincu d'avoir là un Algérien qui algérise. Hein. Tout à fait. Alors, il est entouré visiblement par des étudiants à toi. Oui, bien sûr. Enfin, bon, ça, ce sont des. Entouré par mon église. Oui, c'est ça, oui. Bah oui, comme t'es aussi docteur. Bon, ils n'ont pas l'air de comprendre ce qu'il dit. Hein. Enfin, c'est un arabe qui gueule, donc c'est le chef, tu vois, c'est normal, il n'y a pas besoin de... C'est ça. Voilà. C'est-à-dire, il est plus clair, donc on l'écoute, c'est lui qui a raison. Mais il l'écoute religieusement, hein. Oui, enfin, je sais pas... Ils écoutent, oui. Enfin, ils sont ils écoutent. Je sais pas comment dire. C'est pas tout à fait écouté. Comment ils entendent, hein, ils entendent. Voilà, c'est ça le monde. Ils entendent. Il y a un bruit. Si tu veux, ce bruit-là suscite une certaine émotion. C'est comme la musique, en fait. Hein. La mélopée algérienne les a conquis. Quand t'as savoir ce qui. Quand t'as allé affirmer qu'ils comprennent. C'est peut-être poussé un peu loin. Je ne pas jusque-là. Oui, c'est ça, c'est sûr. Alors, Mehdi, pour préciser ça à nos auditeurs qui ne savent peut-être pas, est membre, parce qu'il dit à un moment donné, je suis militant ancien de l'organisation Point Levé, machin. Bon, alors, Mehdi n'est pas militant, bien entendu. Hein. Il ne milite pas du tout. Il est simplement affilié à une organisation trotskiste qui s'appelle Révolution Permanente. Ce qui est assez innovant hein, pour des trotskistes, vous l'avez remarqué. Et en fait, c'est une scission du NPA. C'est une scission du NPA. Eux, ils sont pour vraiment mettre le bordel, s'agiter, remuer, hein, voilà, un truc. Et alors, ils sont effectivement liés, ils sont présents à Paris 8. Alors, on va écouter tout de suite la mobilisation de cette sous-structure de Révolution Permanente. C'est assez compliqué. Hein. Donc, Révolution Permanente, c'est une scission du NPA. Au Point Levé, c'est une succursale de Révolution Permanente au sein de Paris 8. Okay. Et alors, leurs militantes, hein, parce que c'est quand même principalement des femmes, hurlent. À propos de plein de trucs, notamment en réaction au racisme dont a été victime Mehdi, parce qu'il a des gens ont réagi sur Twitter à sa prise de parole, et donc les militantes de Haut Point Levé, bon évidemment le point levé du marxisme, hein, quand même, bon, c'est vrai que maintenant quelque chose comme 170 ans après le manifeste du Parti communiste, on n'a pas besoin forcément d'innover non plus, hein. Eh bien, elles ont des trucs à dire, alors on les écoute vociférer, on se retrouve. Salut, c'est Irène, on vient de finir l'assemblée Interfac parisienne. On voulait envoyer toute notre solidarité à notre camarade Mehdi du Point Levé de Paris 8 qui s'est pris une offensive réacte de tous les fachos de Twitter après qu'il ait osé prendre la parole à la marche des solidarités hier qui faisait le lien entre en fait, les immigrés, les sans-papiers et la réforme des retraites. Il a osé rappeler que la France est un état colonial et raciste et pour ça il s'est pris toutes les offensives réactes et fachos de la terre entière. La vérité c'est qu'en fait ils ont la rage quand un arabe ou un noir prend la parole et pas de politique. La vérité c'est qu'ils ont le seum quand les quartiers populaires s'organisent, tant de politiques vont en manifestation. Donc pour tout ça en fait on lui envoie toute notre solidarité et on n'arrêtera jamais face aux fachos. Et moi c'est Sacha et ce que je voulais dire c'est donner un énorme soutien antiraciste et antifasciste évidemment à Mehdi. Mais actuellement toutes les personnes issues d'immigration, immigrées, les travailleurs sans papier, les quartiers populaires qui se mobilisent contre la réforme des retraites et toutes les réformes réactionnaires de Macron parce qu'on est extrêmement présents. Et aujourd'hui si Mehdi est victime en fait de ces attaques c'est parce qu'ils ont le seum en fait. L'extrême droite politique comme Julien Oudoul et tous leurs médias, les groupes fachos comme le GUT qui se permettent d'attaquer les débloqueurs, ils ont le seum aujourd'hui de ne pas être au centre de cette mobilisation, parce que le rapport de force, on l'aura et on réussira à imposer des perspectives féministes, antiracistes et écologistes à notre mobilisation. Et pas de quartier, pas de quartier, pas de quartier, pas de quartier, pas de quartier, pas de quartier, pas de quartier, pas de quartier, pas de quartier, pas de quartier, pas de quartier, pas de quartier, pas de quartier, pas de quartier. Voilà, alors la meneuse s'appelle Irène Karalis, qui est grecque d'origine. Et en fait, c'est des femmes grecques qui contrôlent ce truc à Paris 8, voilà. Et Irène est grosse. Elle est alors obèse. Oui, quand j'ai regardé l'image, je me suis dit, tiens, c'est... parce qu'on voit un panorama où il y a tous ces gens, enfin, c'est nana, a priori, hein, la plupart. Oui, c'est... Ça me faisait penser, bon, pour les plus jeunes, n'auront pas connu ça, mais vous savez, les télés en 4x3, le format un petit peu carré, hein. Quand on passait ça sur du 16:9, des fois, quand tu passes, ça élargit le truc, tu vois. Et ça fait des espèces de personnages tout petits et larges. Oui. Ben, j'ai pensé que c'était une image comme ça, parce qu'en fait, tous sont très, très petits et très et larges. C'est-à-dire oui. qu'il y a une croissance qui ne se fait pas vers le haut, mais sur horizontalement, un plan. Horizontalement. C'est assez. Donc, pour lever, pour l'agitation, mais visiblement, l'agitation, peut-être pas de leur. Oui, de leur cul. Ouais. Pas de leur véhicule corporel. Quoi. Mais, par contre, moi, ce qui m'a marqué, c'est pas tellement ça, c'est que c'est indescriptible racialement. Ah bah déjà la grecque au visage porcin, c'est je pense qu'il bon, qui est pratiquement la plus claire pour avoir du lot, un visage porcin pareil, il doit y avoir quand même un rabbin quelque part, quoi. Il doit y avoir du rabbin un petit peu un cousin de ancêtres à Sarkozy, quoi. Oui, c'est pas faux. Oui, tout à fait, mais je veux dire c'est racialement indescriptible. Il y a des cheveux filasses qui tirent sur le crépu, il y a du teint foncé, verdâtre, je ne peux même pas décrire, hein, d'accord. Je pense que c'est la section femme moche du NPA, parce que bon, ils ont en général l'extrême gauche, tu as quand même des bon, surtout à Paris, donc il y a quand même des jolies nanas, faut pas se voiler la face. Mais j'en connais pas. Ah, si. T'en as un exemple, j'aimerais bien savoir, par contre. Non, mais enfin à Paris, toutes les nanas sont de gauche de toute manière, hein, quasiment. Ah oui, non, mais si tu prends par là, bon, oui. Déjà non, une nana de droite, bon, j'allais dire, c'est bon. Bref, on va pas commencer la discussion là-dessus. Mais je pense que cette section-là. Non, mais là c'est l'extrême gauche. Principal... si tu veux. Oui, oui, non, mais je pense que le principal point de rupture, ça a dû être c'est les moches. Mais la les boudins. C'est-à-dire qu'ils ont dû être éjectés du NPA plutôt que scission. C'est-à-dire que les juifs ont dû se garder les belles nanas naïves, tu vois, pour aller les saloper, quoi. C'est possible. Ou alors c'est quasiment, il y avait un problème et c'est le wagon qui a pété. Tu vois, c'est le... ça a décroché à cause du poids. Tu vois, à cause du poids, tu vois, c'est. Mais oui, mais j'ai remarqué ça. Enfin bon, c'est vraiment bon, c'est spécial. Hein. Et alors c'est horrible. Hein. Et puis en plus, bon, c'est mal apprêté. C'est. Ah bah c'est pas apprêté en fait. C'est pas apprêté. C'est pas apprêté du tout. Hein. Non. Ça gueule, ça hurle. Alors j'ai remarqué aussi, c'est que donc les ces gonzesses là. Pour peu que ce ne soit pas des transsexuels, parce que je n'ai pas non plus été vérifié par définition. Hein. Mais elles utilisent aussi fréquemment le mot facho que les Algériens utilisent le mot wallah. À peu près. Hein. Donc en fait, tu commences ta phrase par facho et tu finis ta phrase par facho. Voilà, donc. Ça fait plusieurs heures que mon camarade Mehdi de Paris 8 se prend une offensive de la part des fachos sur Twitter parce qu'il a osé prendre la parole à la marche des solidarités d'hier, une marche qui était organisée en solidarité des immigrés, des sans-papiers et notamment en lien avec la réforme des retraites, puisqu'on sait tous qu'en fait les immigrés, les sans-papiers vont être les premiers touchés par la réforme des retraites puisqu'ils sont arrivés plus tard en France, qui en fait ils ont commencé à cotiser plus tard et qui vont devoir partir à la retraite à 65, 66, voire 70 ans. Et donc mon camarade Mehdi a osé prendre la parole pour dénoncer cette réalité. Voilà que maintenant il se prend une offensive de la part des fachos. Et ce que ça montre, c'est la réalité en fait de gros fachos qui ne supportent pas quand un arabe ou un noir prend la parole, quand une personne racisée prend la parole, qui ne supportent pas en fait que les quartiers populaires s'organisent, parlent de politique, soient présents en manifestation et fassent en fait le lien avec la réforme des retraites. Parce qu'on sait très bien que ces fachos-là qui sont en train de traiter mon camarade Mehdi d'illettré, qui sont en train de se moquer de lui, ce sont ces mêmes fachos qui défendent corps et âme la réforme des retraites, qui défendent en fait la police, qui défendent la répression, malgré le fait qu'il y ait un manifestant de Sainte-Soline qui soit entre la vie et la mort, malgré le fait qu'en fait depuis plus de deux semaines il y a des centaines d'interpellations par jour, qu'une AESH s'est fait couper le doigt, qu'un cheminot s'est fait éborgner. Ce sont ces mêmes fachos-là qui défendent cette répression et qui derrière en fait viennent insulter, viennent dénigrer, viennent humilier les personnes racisées, les étudiants sans papier et étrangers qui osent prendre la parole pour dénoncer cette réalité. Donc tout mon soutien à Mehdi, j'invite tout le monde à le soutenir sur Twitter en lançant en fait le hashtag soutien Mehdi. On se laissera pas faire par ces fachos, on continuera de manifester dans la rue et solidarité avec tous les sans-papiers, avec tous les étudiants étrangers et immigrés. Bon, voilà. Donc il y a eu un mouvement de sympathie autour de Mehdi, le chef des étudiants étrangers, je crois, de Paris 8 ou je ne sais pas quoi, et puis tous les Noirs autour. Et donc, à voler au secours, Irène et sa clique de moches, trotskistes, visiblement. Bon, je ne sais pas ce qu'ils ont lu de Marx, je serais intéressé de le savoir aussi. Bon, ben, peu importe, enfin, l'OFATRA, quoi. Et alors, la réforme des retraites est raciste. Alors, parce qu'elle explique ça, elle dit c'est facho. Parce que, comme les derniers arrivés, c'est des jeunes, donc les derniers arrivés du bled, sous-entendu, ils vont bosser jusqu'à 64, c'est scandaleux. Alors là, tout d'un coup, moi, c'est là que je découvre que c'est vraiment des étudiants, parce qu'ils sont dans la recherche, parce que je ne connaissais pas le concept d'Algérien qui bosse jusqu'à 64 ans. Alors là, je suis complètement... je ne savais pas que ça existait. Et je pense que les Algériens non plus ne savaient pas que ça existait, et d'où la colère, en fait. Parce que je crois que, en fait, l'autre, il vient d'Algérie, ok? C'est-à-dire que lui, c'est pas un immigré, je sais pas quoi. Enfin, c'est pas un immigré qui est né en France, machin. Non, lui, il vient juste d'arriver. Et je crois que il est très en colère, parce qu'on vient de lui apprendre qu'il est censé cotiser pour des boomers. Et là, bon, bah, du coup, il dit « You know more !» You know more, tu vois. Voilà, je crois que c'est un peu le truc. Alors, éventuellement, est-ce que la réforme des retraites est raciste ? Pas d'avis. Probablement. Indubitablement. Ouais, vous trouvez ? Bah, s'ils le disent. S'ils le disent, en fait, oui. Non, mais disons qu'elle est probablement raciste ou fasciste, justement. Je pense que la version algérienne, c'est Sili raciste. La version traduite, c'est les fachos. Finalement, ça reste la même rhétorique assez simpliste de la part de tous ces gens, hein. D'ailleurs, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'ils gueulent par rapport au fait qu'on se moque d'un bougnoul semi-attardé. Il donne aucune importance au récit, pourtant. Il en dit des conneries avec le métro, la tour Eiffel ou je ne sais quelle autre bêtise. Ça, on s'en fout finalement. Le récit ne compte pas, seule la forme compte. Ça donne d'ailleurs une belle image des étudiants étrangers en France, dont, je le rappelle peut-être, on avait évoqué la possibilité de leur faire payer plus cher l'entrée dans nos universités, etc. Bon, forcément, ça aussi, c'était raciste, alors ça avait provoqué un tollé. C'est bien dommage quand on voit... Enfin, ça aurait été bien dommage que ce soit adopté, quand on voit la qualité des étudiants comme sur cette vidéo. De toute façon, voilà, sur l'école supérieure, je pense que... Alors, il y a deux solutions qui sont évoquées. Il y a celle qui est évoquée par les plus timorés, qui serait de mettre un numerus clausus, comme en médecine, mais sur les sciences sociales, etc., pour éviter qu'il y ait trop de ces gens inutiles, là, comme dans Révolution permanente, etc. La deuxième solution, celle que je préconise, c'est plutôt d'attraper tous ces étudiants et de les foutre en Guyane pendant une vingtaine d'années, histoire de leur faire les pieds. Oui, c'est pas mal. Il y a un truc qui m'a choqué dans ce que tu as dit. À Bakhmout, sinon. Pas mal aussi, Bakhmout. Tu as dit un truc, tu as dit Algérien semi-attardé. Alors, ça me choque, parce que c'est pareil. C'est pareil, c'est la même chose, en fait. Donc, soit tu dis semi-attardé. C'est une sous-préfecture, semi-attardé. Ça m'a un petit peu choqué. Mais. Oui, oui, juste blague à part quand même. Ah, je suis très sérieux. il y a quand même dans le système de retraite, comment dire. Il y a un biais raciste, c'est ça que tu veux dire? Il y a un biais raciste. Pourquoi? Parce que les boomers n'ont pas fait suffisamment de gosses pour toucher leur énorme retraite géante. Hein, je fais des pléonasmes, leur retraite géante. Le principal objet de l'immigration, bon, plus que de remplacer, etc., ça, si vous voulez, c'est les conséquences dont ils n'ont que foutre, mais c'est d'avoir des cotisations pour faire continuer le système pendant quelques années, quoi, pour alimenter la pyramide de Ponzi. Alors, c'est vrai que ça ne marche pas forcément comme il faut, parce que ces gens-là ne sont pas caractérisés par leur productivité et même coûtent plus que ce qu'ils ne rapportent, mais en instantané, ça fait quand même tourner la machine quelques années, quelques mois de plus. Oui, oui. Donc, dans ce sens-là, il y a un biais raciste, mais pas par la réforme de retraite, par le système de retraite tel qu'il est fait et les choix politiques des Français et des boomers en particulier, hein, qui, de par leur poids générationnel, ont quand même plus de responsabilités que les autres. Eh bien, c'est dit. Voilà, au moins pour ça. Moi, je suis content de voir que l'université française rayonne, est à son sommet, que le monde entier se veut étudier, enfin le monde entier, en tout cas l'Afrique, veut étudier en France. C'est bien. C'est la preuve que l'enseignement supérieur français est fidèle à sa tradition. Si vous voulez un petit peu foutre la merde chez les Algériens, ou les nègres en particulier, quoi, si vous avez le contact assez facile avec eux, dites ça, ben c'est bien, vous êtes venu payer les retraites des boomers. Quoi, pas mal ça. Il faut faire une petite intersectionnalité de droite. Hein, intersectionnalité, tout à fait. À l'intention des. C'est toujours bien. C'est gentil d'être venu, vous avez payé la retraite des boomers, c'est bien. Théoriquement, c'est pour ça qu'ils sont venus. Enfin, c'est pour ça que vous êtes là. Merci d'être venu, merci beaucoup. Merci. C'est très gentil. C'est très gentil. Nos parents, il va falloir que. Voilà. Ta croisière, hein. Il faut qu'ils vivent bien quand même. Ça va pas se faire tout seul, quoi. Thank you. Alors, avant de passer à la rubrique suivante, Doc nous rejoint, c'est un nouveau participant. Salut Doc, j'espère que tu vas bien. Eh ben, salut Gandalf, et salut à toute l'équipe, salut aux auditeurs. Bah, écoute, je suis très heureux de vous rejoindre, et puis bah, j'espère qu'on va dire beaucoup de mal des Juifs. Oui, ça dépend de l'actualité, mais oui, ça fait partie du jeu, tout à fait. Alors, rubrique numéro 3, les amis, grand remplacement, puisque c'était un petit peu une des nouvelles centrales de cette semaine, parmi le flot des informations, encore qu'elle n'a pas nécessairement retenu toute l'attention qu'elle aurait méritée. Alors, donc il y a eu une étude de l'INSEE, donc, c'est, enfin, l'Institut National des Statistiques, etc. Donc, voilà, c'est pas une organisation d'extrême droite du tout, hein. Alors, je vais vous lire deux éléments parus dans la grande presse. Premièrement, Le Figaro, et deuxièmement, le Point. D'accord ? Donc, là encore, pas de source d'extrême droite, hein, c'est vraiment des sources autorisées. Alors, un tweet du Figaro qui permet de résumer à peu près comment dirais-je, l'équation. Alors, selon les derniers chiffres de l'INSEE, dit Le Figaro, la population française compte désormais 10,3% d'immigrés, sous-entendu de première génération, c'est-à-dire des gens qui viennent dans notre pays et qui sont établis en France, donc 10%. Sur trois générations, dit encore Le Figaro, l'immigration représente plus de 19 millions de personnes à un titre ou à un autre, hein. Ça ne veut pas dire que ce sont des gens à 100% d'origine immigrée, mais on va avoir le temps d'en parler. Alors, en une formule lapidaire, en fait, ils ont résumé la chose, hein, voilà. Donc, il y a 68 millions de Français en France, alors de Français évidemment de papier, et là-dessus, 19 millions de personnes d'origine immigrée. Alors, évidemment, il va falloir rentrer dans le détail parce que ça peut être trompeur. Ça ne veut pas dire qu'il y a 19 millions de non-blancs, hein. Attention, il faut être précis là-dessus. Il y a évidemment dans cette partie un pourcentage de gens d'origine européenne, partiellement à tout le moins. Donc là, l'article du Point, qui lui rentre davantage dans le détail, parce que je n'avais pas la version gratuite du Figaro, malheureusement, parce qu'ils font payer ces cochons. C'est scandaleux, moi, ça me révolte, moi, cette histoire de site internet payant pour Le Monde, Le Figaro, etc. Je pousse une gueulante, là, parce qu'ils sont subventionnés par l'État, ces gorées, n'est-ce pas ? Ils sont subventionnés par l'État, c'est-à-dire que les contribuables français les payent, en plus à mentir. Mais en plus, ils les payent, et ils ne peuvent pas consulter les articles. Alors ça, c'est scandaleux, je veux dire, normalement, t'es un contribuable, tu devrais pouvoir lire, hein. Voilà, ça c'était mon coup de gueule, ça m'énerve, j'en ai assez de ces gens. Bref, voilà. Alors, pour en revenir au sujet, sur les 67,7 millions d'habitants que comptait la France en 2021, 6,96 millions, bon, 7 millions si vous préférez, étaient immigrés, soit des personnes, je cite, « nées étrangères à l'étranger ». C'est le constat dressé jeudi 30 mars par l'INSEE, dont l'étude démographique sur plusieurs générations offre une photographie inédite depuis une décennie en France, où les immigrés représentent désormais 10% de la population. Proportionnellement, c'est presque deux fois plus qu'en 1968, à l'époque 6,5%. L'étude intitulée « Immigrés et descendants d'immigrés en France » précise également que plus d'un tiers, 36% de ces personnes, ont acquis la nationalité française depuis leur arrivée. Donc les naturalisations se poursuivent. C'est toutes les séances que vous voyez dans les préfectures, ou même les sous-préfectures parfois, hein, la presse aime bien s'en faire l'écho. L'Institut démontre que le lien avec l'immigration se dilue au fil du temps. Alors sur ce point précis, je pense qu'il y aura des choses à dire. En effet, parmi les descendants d'immigrés, ceux de la deuxième génération sont plus de 50% à n'avoir qu'un seul parent immigré. Quand ceux de la troisième génération, qui ont au moins un grand-parent immigré, sont 9 sur 10 à n'avoir qu'un ou deux grands-parents immigrés. En résumé, un tiers de la population en France a un lien avec l'immigration sur trois générations, résume Sylvie Leminez, chef de l'unité des études démographiques et sociales à l'INSEE. Avec 11% de la population descendante de deuxième génération et 10% de la population âgée de moins de 60 ans qui est un petit enfant d'immigrés, il y a une diffusion dans la société par une mixité très importante en France, ajoute-t-elle, Chez la troisième génération, moins de 1% des personnes ont quatre grands-parents immigrés. Les origines, elles, se diversifient. Il y a 50 ans, les immigrés venaient principalement d'Europe du Sud, contre le Maghreb, l'Afrique et l'Asie aujourd'hui. Ainsi, les immigrés venant d'Espagne et d'Italie sont passés de 543 000 en 2011 à 531 000 en 2021, tandis que les Maghrébins représentent 2 millions de personnes, 1,6 million en 2011. Au total, près de la moitié des immigrés, donc là on parle de la première génération, hein, en 2021, sont originaires d'Afrique, 3,3 millions sur 7. Alors, le problème de cette étude, et vous voyez que on n'est pas dans le monde anglo-saxon, malheureusement, c'est que on est noyé sous les catégories, enfin sous le mot-clé, le mot valise d'immigrés. Malheureusement, il faudrait une classification ethnique et raciale pour qu'on sache exactement de quoi il retourne. Or, vous le comprenez, comme c'est interdit en France, on reste sur des évaluations qui sont relatives au fait d'avoir de s'être installé en France récemment, ou d'avoir été naturalisé, etc., ou de descendre à naturaliser, etc. Donc, le problème dans cette catégorie d'immigrés, c'est que vous pouvez avoir, par exemple, un grand-parent italien, et être dans la statistique de l'immigration, par exemple. Ce qui pose problème, puisqu'évidemment, nous, ce qui nous intéresse principalement, essentiellement, c'est d'étudier la part de l'immigration non européenne, africaine ou orientale ou asiatique, ou sud-américaine, parce que c'est une immigration dont on parle assez peu, mais qui existe, dans la population. Et malheureusement, on est un peu lésé parce qu'on ne peut pas le savoir sur la base de ces chiffres-là. Alors donc, il faut faire des recoupements a posteriori. Je pense aujourd'hui que vraiment, hein, sans trop se tromper, on peut dire avec un certain degré de certitude qu'il y a entre 15 et 16 millions de non-européens en France, approximativement. J'ai souvent cité ce chiffre, mais il était pertinent, c'est-à-dire qu'en 2012, lorsque François Hollande est élu président et qu'il nomme Manuel Valls ministre de l'Intérieur, Manuel Valls demande au service du ministère de l'Intérieur, bon, il y a combien d'immigration non européenne en France? Donc ça, c'était paru dans l'Express, je crois, de mémoire. Donc ça n'était pas un communiqué officiel, évidemment, du ministère. Donc c'est toujours pareil, c'est beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de manque de courage de la part des autorités, mais la réponse qui a été présentée à Valls par les services de renseignement français, c'était que fourchette basse, l'immigration non blanche, pour parler clairement, en France se situait en 2012 à 10 millions, fourchette haute à 12 millions. Alors, ça c'était le point de départ en 2012, nous sommes 11 ans plus tard, nous avons connu avec Hollande et Macron, une très forte immigration originaire d'Afrique. Il y en avait avant, mais ils ont considérablement accru le rythme. Oui, et puis ceux qui sont là, on continue à... Oui, à faire des enfants, bien évidemment, tout à fait. Donc, faire des Français. Oui, à faire des Français, voilà. Donc, je pense qu'on peut raisonnablement dire qu'en France, il y a entre 15 et 16 millions. Alors, si on ne veut pas être extravagant, on va dire 15 millions. N'oubliez pas qu'il y a des colonies intérieures. Vous avez des gens qui viennent des Antilles, vous avez des gens qui viennent de Mayotte, vous avez des gens qui viennent un peu moins, bien sûr, mais de Polynésie et d'autres endroits. Donc, ça existe, c'est réel. C'est pas évidemment une immigration de masse, encore qu'avec Mayotte, il y a du souci à se faire parce que les niveaux de natalité sont absolument effrayants. Et c'est un département français, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de passeport pour venir en métropole, hein, quand on est un Mahorais, hein, je le rappelle. Hein. Donc, 15 millions me paraît tout à fait raisonnable, 16 millions, c'est à mon avis aussi pas du tout délirant. Et pour atteindre 19 millions, bah, on rajoute 3 ou 4 millions de gens qui ont, à titre ou à un autre, un ascendant espagnol, portugais, italien, polonais éventuellement, plus les Européens, je ne suis pas un Allemand, enfin les quelques Allemands ou les quelques Belges qui se sont établis en France. Voilà. Je crois que ça donne une image assez précise, mais pas définitive, parce qu'ensuite il y a la natalité, alors là ça c'est je crois le gros tabou, c'est-à-dire la natalité par race, on en est encore réduit à faire des recoupements avec la drépanocytose. Vous avez remarqué que très récemment ils ont annoncé la généralisation de la drépanocytose à tous les nouveau-nés de l'Hexagone. Bon, c'est évidemment pas par un souci sanitaire, mais parce qu'ils voient bien que les informations fuitent, qu'elles sont catastrophiques, et qu'elles peuvent, elles peuvent être mises sur la place publique parce que le public français de souche est plus inquiet que jamais sur la question de la bascule démographique. Donc, quand vous entendez parler de ça, c'était cette année, hein, il y a quelques mois. Là. Quand ils annoncent ça, c'est évidemment pas par un souci sanitaire, mais bien pour noyer le poisson. Donc, ça craint, c'est sûr. En Grande-Bretagne, je peux le dire aussi, puisque les chiffres sont tombés, et que là, il y a quand même des données très solides, puisque c'est fait par souche ethnique. Donc, on sait qu'en Grande-Bretagne, ils sont Pays de Galles, Angleterre, donc c'est pas Écosse et Irlande du Nord, hein. C'est Pays de Galles, Angleterre, on est sur plus de 30% de naissances non blanches en 2021 en Grande-Bretagne. Par contre, ils font des recensements que tous les 10 ans. Donc voilà. Mais on est presque à un tiers, en Grande-Bretagne. Et on pourrait avoir des surprises, car la Grande-Bretagne n'est probablement pas le pays le plus... Enfin, maintenant, il le devient, parce que là, ils importent vraiment des masses. Depuis le Brexit, c'est énorme, les masses de gens qu'ils importent du tiers-monde. Sur l'année écoulée, en 2022, c'est 1 million, vous m'entendez bien, 1 million de migrants supplémentaires en Grande-Bretagne. 1 million. Ce qui fait passer Macron pour un amateur. Donc c'est la Grande-Bretagne du Brexit, la Grande-Bretagne de droite, parce que je vous rappelle que c'est la droite au pouvoir, hein, à Londres. Hein. 1 million, d'accord. Et c'est pas des Européens. Hein. Le Brexit, ça consistait à foutre dehors les Polonais. Donc faut méditer un peu là-dessus. Donc c'est dégager les Polonais pour faire venir des Pakistanais. Bon, voilà. Donc voilà. Alors c'est les données. Qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus sur ces chiffres? Voilà, 19 millions, mais bon, on peut retrancher les gens d'origine italienne, espagnole, ou en partie d'eux, quoi, voilà. Oui, c'est bon. Et sur la question aussi, je voudrais avoir votre avis sur la question, ce qu'il dit, c'est la dilution de l'immigration, la thèse de la dilution, oui, de l'immigration, enfin, en gros, du métissage. Est-ce que vous pensez que c'est vrai, que c'est faux? Quelle proportion? Pourquoi il y aurait dilution? Je n'ai pas compris. C'est le thème qu'ils expliquent. C'est-à-dire qu'ils disent, oui, bah en fait, quand on analyse en fait le statut des uns et des autres, c'est-à-dire qui est d'origine immigrée ou pas immigrée, alors que en fait ce statut en lui-même n'est pas très satisfaisant pour les raisons que j'ai dites, parce que c'est pas ethnique et racial. Oui. Voilà, donc c'est voilà. Donc ils disent, bah vous avez vu. Quand on est de deuxième génération, en fait, on a à 50% des immigrés de deuxième génération ont un parent qui n'est pas immigré. Sous-entendu, bah, vous avez vu, en fait, Mokhtar, il épouse une Française. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que ça veut dire, quoi, tu vois. Oui. Voilà, et petit à petit, le melting pot se produit. C'est ça le sous-texte, en fait. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, Mohamed, qui est né en France, va chercher sa petite cousine au bled pour l'épouser. C'est un mariage mixte. Voilà. Voilà. Pour ne pas parler des Turcs. Hein. Donc, c'est ça. Bien sûr. Oui. C'est clairement le comment dire ça, bon, c'est comment il s'appelle, c'est le Brass, hein, le Brass, il nous vend ça depuis des années, c'est du foutage de gueule absolu. Ouais, bah, clairement, l'État, le système utilise en fait cette escroquerie du droit du sol pour noyer le poisson littéralement, quoi. Tu couples ça avec, comme disait Gandalf, la généralisation du dépistage de la drépanocytose, et puis bah comme par magie, au bout de deux ou trois générations, bah tout le monde il est français comme vous et moi, quoi. Donc c'est rendre de l'escroquerie généralisée, en fait, parce qu'il suffit de te promener dans n'importe quelle grande ville, ou même maintenant ville moyenne de France, sans avoir de chiffres sous les yeux pour voir ce qui s'est passé entre temps, quoi. Simplement pour Derek, j'ajouterais, tu fais bien d'évoquer le Brass comme un des principaux turiféraires de cette théorie, mais il y a un petit nouveau, pas si nouveau que ça, mais qui s'appelle François Errant, qui a d'ailleurs sorti un bouquin sur l'immigration au début du mois de mars. Il a fait des émissions, donc vous pouvez voir si vous n'avez pas envie de vous farcir le bouquin, ces émissions où il explique bah voilà, que la loi qui doit arriver sur l'immigration en France, la loi Darmanin, va être une grande chance pour nous, puisqu'on va pouvoir régulariser des immigrés qui occupent des métiers en tension, etc. Enfin, oui, toujours la même connerie, ces fameux métiers en tension. Enfin bon, quoi qu'il en soit, c'est toujours la même idée, c'est voilà, on doit les accueillir, c'est notre devoir, la France, toujours une terre d'immigration, etc. Ah bah oui, ça, c'est le mantra, oui. Bah c'est ça, c'est finalement, c'est le projet maçonnique final, c'est tous égales, tous marrons finalement. Ah oui, c'est ça. Parce que... Bah après tout, la France est un hôtel, hein, comme dirait certains. Oui, bien sûr, mais c'est ce que Gandalf, tu relevais, c'est-à-dire que quand on dit, voilà, il y a un taux de... Alors, ils appellent ça, pas ça de mélange, mais c'est l'idée, un taux de mélange entre les populations autochtones et les populations immigrées, voilà, c'est le but, c'est de dire, voilà, regardez, le projet maçonnique va réussir, on va tous se mélanger, on sera tous égaux, puisque ce sera l'indifférentialisation totale. Bon... au-delà de ça, moi, ce qui m'a un petit peu embêté, parce que bon, ça, c'est des choses que on relève assez souvent, ce qui m'a un peu embêté, c'est la réaction de certains à droite qui ont péroré, qui ont dit « on a eu raison, regardez l'immigration, etc. Bah, » c'est bien, les gars, en 2050, quand l'INSEE dira qu'il y a moins de blancs que d'immigrés, bah, vous aurez à nouveau raison, ce sera une nouvelle victoire, mais en attendant, rien n'aura changé. Donc, je vous invite à arrêter de négocier, puisque quand les gens vont nous dire « oui, mais non, mais on ne peut pas tous les renvoyer, etc. » vous êtes déjà dans la négociation, vous êtes déjà prêt dire oui, bah, les plus républicains, ceux qui sont adaptés, ceux qui sont intégrés, on les garde. Non, il y a un moment, voilà, c'est ça. Il y a un moment, il faut trancher, réémigration totale. Oui, bah, ça tu pointes du doigt un truc qu'il faut, sur lequel il faut s'arrêter. C'est le mantra du Rassemblement National. Bon, qui est d'ailleurs Bardella, qui est d'origine immigrée, puisque il a un grand-parent algérien. Comme Zemmour, qui est un... Zemmour, c'est colossal le nombre d'immigrés qu'il y a en France. Je dis, ah oui, quand je vois votre gueule, je constate effectivement que ça fait beaucoup. Non, mais c'est vrai, les deux partis d'extrême droite, les deux présidents sont maghrébins, quoi. Oui, voilà, c'est quoi, ça devient gênant. Petite réflexion avant. Bon, on avait des problèmes, on trouvait pas de statistiques, on avait la drépanocytose pour se faire une idée, mais aujourd'hui, les gars, il y a beaucoup plus simple. Pourquoi est-ce qu'on s'emmerde à chercher des statistiques? Vous descendez chez Leclerc, chez Auchan, chez Cora, chez Lidl, où vous voulez, et vous regardez les rayons spéciaux pour le Ramadan. Vous allez voir la quantité de bouffe que l'on fourgue à ces braves gens qui sont maintenant une puissance économique et une puissance économique auprès desquelles les grandes marques s'y intéressent. Donc c'est très clair que on est arrivé à un niveau de quantité de clients potentiels qui ne va faire qu'augmenter au fil des ans, point barre. Bah, c'est même plus des rayons, c'est des palettes posées, hein, je veux dire. Oui, c'est des palettes posées, c'est ça. Donc, ils viennent, les palettes de dates, je parlais des dates. Ah, ouais. C'est impressionnant, quoi. Ah oui, c'est, bon, voilà. C'est le... Mais, et d'ailleurs, c'est bien que vous parliez un petit peu de religion, puisque a été commenté en parallèle donc, de la publication de ces données démographiques brutes. Celle de la pratique religieuse. C'est-à-dire qu'on s'est intéressé qualitativement hein, donc à ces populations immigrées et à la population française, quoi. Alors, donc, qui est croyant, qui n'est pas croyant, etc. Alors, on apprend des choses tout à fait intéressantes. On découvre que, d'abord, une majorité de Français de moins de 60 ans n'est pas religieuse. Hein. Me semble-t-il que c'est 51% des Français qui se déclarent sans religion. Soit qu'ils sont agnostiques, soit qu'ils sont athées, mais en tout cas qu'ils n'ont pas d'affiliation religieuse précise. Et il y a 29% des moins de 60 ans qui se déclarent catholiques. C'est un effondrement tout à fait spectaculaire. Hein, c'est un effondrement spectaculaire. Et alors, quand on rentre dans la pratique religieuse, c'est-à-dire, en fait, qui, chez cette population qui se dit catholique, les 29% de Français qui se disent encore catholiques, qui va effectivement à l'église, donc une fois par semaine, parce que c'est ça la pratique, hein, on tombe à des chiffres tout à fait dérisoires, puisque... rapporté à la population globale, ça fait à peu près 2,5% des Français qui vont à la messe toutes les semaines de moins de 60 ans. 2,5%. Ouais, en même temps, bon, est-ce qu'il faut s'en alarmer ? Ah non, c'est pas ça. Je dis simplement que c'est quand même dans l'histoire, sur le temps long de l'histoire de France, c'est évidemment un élément. Clé. Oui, enfin, sur les 15 derniers siècles, effectivement, c'est tout à fait spectaculaire. Et dans le même temps, ce qui a été pointé du doigt par les autres personnes, c'est donc ils ont dit, voilà, vous avez vu la pratique religieuse des Grecs. Mais regardez les musulmans, ceux qui vont à la mosquée. Alors, ils ne vont pas beaucoup à la mosquée, mais ils vont plus à la mosquée. Mais ils ne vont pas beaucoup à la mosquée parce qu'en fait, on peut prier chez soi, tout simplement. Alors, là, on découvre que les musulmans prient beaucoup. C'est l'obligation des 5 prières par jour, etc., est quand même observée par une nette majorité de musulmans. Je crois que c'est environ 60% des musulmans, peut-être un petit peu moins. Et il y en a 20% qui vont à la mosquée une fois par semaine. D'accord. Bon, rapporté, là aussi, à la masse du total, il y a maintenant plus de musulmans qui ont une pratique religieuse que de catholiques qui ont une pratique religieuse. Et là aussi... Donc, indépendamment de ce qu'on pense de la religion et de ce que chacun a comme conception religieuse, c'est évidemment, sur le temps long, dans l'histoire de France, un choc. Je veux dire, quand même, la fille aînée de l'Église, bon, même si cette expression est une invention tardive, n'empêche que, bon, c'est quand même c'est quand même le royaume de France, les croisades, etc. Enfin, ça renvoie quand même à quelque chose de significatif. Bon, cette France-là a disparu. Et en revanche, l'islam, sans être massif, parce qu'il ne faut pas non plus... grossir hein, le phénomène social est quand même réel. Il y a une vraie pratique islamique qui s'installe, qui continue de croître, mais qui n'est pas majoritaire, je veux dire, hein, voilà, mais qui est plus forte que la pratique catholique. Alors là-dessus, aussi, j'ajoute ça à la discussion. Je ne sais pas ce que vous en pensez parce que chacun a son regard sur la religion, mais voilà, ça y est, c'est bon. Je veux dire, la France est majoritairement non chrétienne. Et il y a plus de musulmans pratiquants que de catholiques pratiquants. C'est ce que nous indiquent ces statistiques de l'INSEE sur fond, comme on l'a vu, d'immigration de masse. Alors, j'ajoute ça dans la discussion. Je ne sais pas si éventuellement quelqu'un se sent de le dire. Peut-être pour certains vont dire bah oui, mais bon, les catholiques, ils récoltent ce qu'ils ont semé. Voilà, bon, peut-être éventuellement. Ou au contraire, pour s'alarmer de la pratique islamique en disant bah vous avez vu hein, ce qui est en train de se passer, etc. Qu'est-ce que vous voudriez en dire ? Moi, je vais simplement dire, contrairement à ce que certains disent, justement, sur la question musulmane, je reviendrai sur le fait que les gens ne croient plus, mais sur la question musulmane, contrairement à ce que certains avancent, je ne pense pas que l'islam remplisse un vide que laisse le christianisme. Je pense que l'islam vient avec les populations qu'on fait venir. C'est aussi un des autres facteurs pour voir la croissance de ces populations extra-européennes en France. Donc voilà, je pense pas que ça crée, que ça profite du vide catholique. Je pense tout simplement qu'ils viennent avec leur religion, leurs mœurs, etc., et qu'ils restent avec, en opposition frontale avec les valeurs de la République, ce dont on ne peut pas leur en vouloir. D'une certaine manière, c'est pour ça que je relie plus ça à une question identitaire que religieuse. Maintenant, sur le fait que les gens croient plus en majorité en France, eh bien, je pense que c'est aussi lié à autre chose. C'est qu'ils croient un petit peu en n'importe quoi, notamment dans l'écologie. C'est-à-dire, c'est le nouveau fanatisme religieux, de mon point de vue. Hein. Je ne suis pas le seul, bien entendu, à avancer ça. Mais je pense réellement que c'est le nouveau fanatisme religieux qui découle quelque part du christianisme, où avant le christianisme on vous promettait un paradis après, et avec toute la vague marxiste on a dit bah non, le paradis ce sera sur terre, le paradis prolétarien, etc., et ce n'est qu'une sorte de d'évolution dégénérée de ce qu'a été le marxisme, en disant regardez, regardez, tout est en train de cramer, il faut se sauver, etc. Donc les gens ont maintenant des attentes qui sont matérialistes, mélangées à une espèce de croyance sur le climat, avec le rapport du GIEC, la propagande, hein, etc. Oui, c'est ça. Donc voilà, je pense que l'irreligion en France peut s'expliquer dans le fait que c'est pas forcément les gens qui ne croient plus, mais ils croient en n'importe quoi. Oui, je te rejoins là-dessus. Bah, en fait, l'objet de la foi était déplacé, voilà, des traditions chrétiennes qui étaient en place depuis des siècles vers d'autres objets beaucoup plus matérialistes, effectivement. Moi, je me permets de rajouter par rapport à ce que tu disais, Nogaret, sur le vide que ne comblerait pas l'islam. Moi, je pense que ça compte peut-être un certain vide chez, à la marge, hein, bien sûr, chez certains blancs complètement paumés qui se convertissent à l'islam, justement parce que bah ils croient plus rien, parce que pour toute une série de raisons. Par contre, effectivement, je te rejoins sur la masse immigrée, sur tous les colons musulmans. Ces gens-là, ils viennent avec leur religion. Eux, ils n'ont pas de vide à combler à ce niveau-là. Mais je suis d'accord avec ce qu'a dit, Nogaret, quand il dit c'est très identitaire l'islam. C'est vrai que c'est très identitaire et très comportemental. C'est pas une foi réelle au sens où les blancs l'entendent. Vous voyez, c'est pas un appel de l'intérieur. Non, c'est autre chose. C'est un comportement grégaire, codifié, ritualisé. Il faut faire le ramadan parce que les autres font le ramadan. Il y a toujours la peur de la sanction aussi. Hein, c'est la pression du groupe. C'est pas vraiment... Oui, la sanction par le rappel pas bienveillant, c'est toujours ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis t'as Allah qui est le super arabe ultra méchant tout en haut, tu vois. L'espèce de Ben Laden céleste, tu vois, et qui fait très très peur, Freezer. Tu vois. Ouais, mais qui fait très très peur, quoi. Et parce qu'ils ont peur. C'est un dieu castrateur et très méchant. Et voilà, mais c'est pas comme. Bah, il est peut-être payé par les juifs, du coup. Oui, bah, il y a des théories là-dessus, hein, sur la jeunesse de l'islam ayant été encouragée par des juifs, etc. Bon, je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Mais c'est un islam identitaire et qui remplit sa fonction identitaire, je veux dire. D'ailleurs, c'est plus une bannière de ralliement que véritablement une foi. Hein, les gens qui ont vraiment la foi, qui pratiquent véritablement leur religion au pied de la lettre en France, chez les musulmans, sont marginaux. Hein, je suis désolé, les Arabes, les Maghrébins consomment de l'alcool, se droguent, dealent, sont dans le proxénétisme, etc. Bon, bah, je veux dire, moi je veux bien la radia, etc. Mais enfin, jusqu'à preuve du contraire, les musulmans sont tenus de ne pas fumer, ils sont tenus de ne pas consommer d'alcool, ils ont l'air de s'en arranger. Et donc, en ce sens-là, ils ne sont pas religieux. La religion, c'est quand ça les intéresse, d'accord, comme bannière de ralliement. Et voilà, prenez Tariq Ramadan, hein. Tariq Ramadan, il est en train de sermonner tout le monde, et puis en fait, il était porté sur les femmes, quoi, voilà, donc et en fait, il y a beaucoup de musulmans qui lui ont pas voulu, d'ailleurs, parce qu'ils se disent tous, bon, bah voilà, on va pas non plus lui faire la morale, parce que bon, on fait pareil, donc voilà. Donc c'est, je crois que c'est effectivement une bannière identitaire. Même si chez certains, il y a toujours hein, des illuminés, hein, je veux dire, toujours des gars qui croient vraiment, hein, et ça, c'est les salafistes. Voilà, grosso modo, quoi. Bon, il y en a qui sont un peu plus, un peu plus modérés, mais voilà. Mais Gandalf, d'ailleurs, tu parles des salafistes, et justement, pour donner un peu de chiffres, pour appuyer ce qu'on est en train de dire, en France, on estime à peu près à 40 000 le nombre de salafistes, ce qui est pas énorme. Et les salafistes, c'est vraiment voilà ceux qui sont censés croire, comme tu l'as dit, dans la religion, etc. Sur ces 40 000, il y en a que 500 qui ont rejoint Daesh. Donc c'est pareil, c'est pas une croyance vraiment, extrémiste, etc. C'est plus un retour religieux, mais il est ultra minoritaire. Oui, c'est les musulmans orthodoxes. C'est les musulmans orthodoxes qui sont différents parce qu'ils sont pas d'accord sur des tas de trucs, hein, je veux dire, sur les modes vestimentaires, sur les Donc il y a des tas de choses, si vous voulez, sur lesquelles ils divergent. Et les salafistes, en fait, sont assez peu dangereux, entre guillemets, parce qu'ils ne veulent pas s'intégrer dans la société. Ils ne veulent pas participer à la société. Ils veulent s'en séparer. Et ils veulent des modes de vie purement islamiques. Ils veulent, voilà. Donc ils ne veulent pas être dans le politique. Ils ne veulent pas être au contact des koufars. Vous voyez, ils fuient le contact des koufars, des infidèles. C'est très différent de l'approche des frères musulmans, qui, elle, est une approche j'allais dire, adaptative. Voilà, ils composent avec l'environnement du moment. Est-ce que les salafistes leur reprochent ? Parce qu'ils leur disent, oui, mais vous faites des compromis. Vous faites des compromis et vous êtes compromis. Hein ? Vous allez vers les infidèles, vous acceptez les règles du jeu des infidèles, vous acceptez la démocratie, vous acceptez les élections, c'est pas islamique, etc. Donc il y a de très fortes tensions entre différents courants au sein de l'islam sur, voilà, sur toutes ces questions. Mais après, il faut prendre ça pour un tout. C'est-à-dire qu'au fond, quand on, nous, vu de l'extérieur, bon, t'as les salafistes qui font un truc de leur côté, bon, bah, ils cherchent quand même à avancer. T'as les frères musulmans qui font un truc de leur côté, bon, bah, ils essaient quand même d'avancer. T'as des musulmans un peu plus mainstream qui, eux, bon, la religion un peu pas, etc. Mais quand il s'agit de gueuler, ils gueulent, bon, ils avancent aussi. Et quand tu fais la somme du tout, bah, tu vois que quand même, globalement, l'islam, il avance. C'est-à-dire qu'en fait, si tu t'intéresses pas aux différentes sensibilités, mais que tu regardes la masse, entre les radicaux ultra-orthodoxes, entre les gens qui composent, entre les mecs plus ou moins différents, mais qui sont quand même sujets à l'influence des plus durs, bah, tu vois que ça avance. Voilà, ça, tu le vois. Hein. Bon, maintenant, globalement, moi, je veux dire, il faut quand même regarder que le fléau est d'abord racial. C'est-à-dire que si on essaie de comprendre tout ce qui se passe par le fait religieux, on va avoir beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe. Oui, il y a des pics de crise religieuse du Maroc en passant par la France jusqu'aux Philippines, c'est absolument indubitable, donc il y a quand même un vrai problème à travers les sociétés islamiques. Mais par ailleurs, beaucoup de ces musulmans en Occident ne pratiquent pas véritablement leur religion et sont quand même une nuisance pour des raisons raciales. Parce que faible QI, parce que impulsivité, parce que parasitisme, très peu de force de travail productif. Donc voilà, et là, ces gens-là n'arrivent pas à s'insérer. Je ne dis pas que c'est souhaitable qu'ils s'insèrent, mais je veux dire, mais même selon les règles du jeu démocratique, ça ne marche pas. Et ensuite, on les retrouve à foutre la merde partout, à droite et à gauche. Voilà, bah ça, c'est des atavismes raciaux, hein, je suis désolé. Voilà, bon. Si on faisait venir des musulmans indonésiens, par exemple, on aurait des problèmes de radicalisme islamique. Ok, mais il est à peu près sûr qu'il y aurait des tas de problèmes qu'on n'aurait pas, pour des raisons raciales. C'est-à-dire que ces musulmans asiatiques restent quand même des asiatiques, donc il y a des trucs qu'ils ne feraient pas pour des raisons raciales. Alors que les maghrébins, vous prenez même des maghrébins athées qui s'en foutent de la religion, bon bah ça ne va pas les empêcher de voler une bagnole ou de faire un braquage. Vous voyez, bon ben voilà, c'est le problème. De la même manière, demain, vous pouvez convertir les Roms à toute la religion que vous voulez, même au bouddhisme, les Roms resteront des parasites. Pour des raisons d'atavisme raciaux. Voilà. Voilà ce que je voulais dire là-dessus, moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je vois là comment je perçois le truc. Oui, ouais, vas-y. Moi, je me permets d'être rajouté par rapport aux statistiques religieuses, je serais pas étonné que dans les années à venir, ça devienne interdit ou que le système trouve un moyen de noyer le poisson à nouveau, parce qu'on a tendance à permettre quand même, même si on les recoupe pas directement, enfin on peut pas dans l'absolu les recouper tout de suite telles quelles avec des statistiques raciales qui sont interdites. Je serais pas étonné que par exemple d'ici quelques années on nous dise écoutez, l'extrême droite se sert des statistiques religieuses pour stigmatiser l'islam, alors interdisons-les quoi. Donc par exemple à terme on se retrouverait, je sais pas, avec des statistiques qui diraient juste tant de pourcents de français, ouais, tant de pourcents français déclare pratiquer une religion. C'est tout. Voilà. Il y a que des Français en France. Je serais pas étonné. Hein, c'est... voilà, c'est exactement. En fait, je crois pas pour une raison simple, c'est que parce que d'abord, il y a une forte demande de statistiques ethniques chez les populations immigrées qui n'ont absolument aucun tabou ethnique. Bien au contraire. Tout spécialement chez les populations noires. il n'existe aucune espèce de pudibonderie antiraciste chez ces populations-là. C'est un truc de blanc. Cacher cette race. Ah, tout à fait, il n'y a que les blancs qui... Ah, oui. Tout à fait, ouais. Les autres sont très fiers de leur race. Ils veulent nous le dire. Vous voyez, ils sont là. Moi, je suis noir. Je préfère être noir. Ou voilà. Ils n'ont aucun tabou. Ils ont pas de problème avec ça. C'est une pudibonderie de blanc. Le tabou antiraciste, c'est un truc de blanc. Bon, évidemment, utilisé par les juifs. Et d'ailleurs, tout ce que vous entendez sur la laïcité, espèce de volonté d'invisibilité, la réalité de la composition ethnique, raciale et religieuse de la France, là, donc cette espèce de surenchère constante sur la laïcité, c'est un effort des juifs et de leur golem blanc de mettre la poussière sous le tapis. Mais en réalité, tout le monde voit ce qui se passe, d'accord ? Donc c'est un jeu de dupes, je veux dire, je sais même pas qui ça peut encore convaincre, mais je crois pas, et donc avec la masse d'immigrés qui croît sans arrêt, je crois pas que ça se fera justement l'interdiction des statistiques ethniques, parce qu'ils vont dire, mais attendez, nous on veut savoir, hein, tu vois ? Je pense que ça se passera comme ça. Parce qu'au bout d'un moment, ça devient un jeu de pouvoir. Si tu peux prouver par A plus B que tu es 20 millions, tu vas voir les politiciens et tu leur dis « Eh, on est 20 millions, les gars, hein, attention, faut pas nous prendre pour des jambons. » Surtout pas pour des jambons, nous qui sommes musulmans. Donc, va falloir changer de ton avec nous. Hein. Alors que quand tu prétends que oui, peut-être, on sait pas exactement combien il y en a, tu peux pas revendiquer un poids dans la société. Aussi, pour cette raison, les halogènes ont tout intérêt à ce que leur poids réel dans la société française soit connu et reconnu. Voilà, c'est ce que je crois. Et en plus, bon, pour la bascule ethnique, moi, ethnique et raciale, je pense que moi, j'en reste à mes évaluations. Hein, c'est-à-dire qu'au milieu de enfin, si rien ne change, au milieu de la décennie 2050-2060, donc 2055, elle aura lieu. En sachant que ce sera en termes absolus, c'est-à-dire 51% de non-blancs et 49% de blancs, mais attention, il faudra aller chercher dans les catégories d'âge respectives et on se rendra compte que dans les catégories des plus jeunes, c'est-à-dire que les 0-10 ans ou les 0-20 ans, on aura des déséquilibres beaucoup plus marqués que dans la population générale, c'est-à-dire dans la totalité. Et je crois qu'il ne faut jamais perdre de ça, et j'y ajoute à ce critère le critère régional ou départemental, c'est selon, mais il ne faut jamais perdre de vue la dimension spatiale du problème. Donc si on prend le caractère générationnel du basculement de population et son caractère géographique, eh bien, on va découvrir quoi ? On va découvrir que dans les catégories des plus jeunes, par exemple dans la région aujourd'hui Provence-Alpes-Côte d'Azur, très probablement nous approchons de la bascule. Alors que ce n'est certainement pas le cas, peut-être, dans la région Auvergne, qui suivra 20 ans après. Mais du coup, l'État a la solution pour ça, c'est qu'il doit ventiler un maximum de voilà. Nègres aux quatre coins de France. Totalement, et nous allons justement en parler, c'est très bien que tu le dis. Avant d'enchaîner toujours sur le même thème, est-ce que face à ça... Parce que bon, on commente, on a donné voilà, les ordres de grandeur, on a un petit peu remis en question certains mensonges qui sont bien connus de nos auditeurs, mais enfin c'est toujours bien de rappeler les idées reçues ou les poncifs qui sont martelés par le système pour ne pas nous faire voir ce que tout le monde voit. Votre sentiment par rapport à ce chiffre, c'est-à-dire que quand vous voyez ça, alors je ne dis pas les 19 millions parce qu'on a dit qu'il faut certainement un peu nuancer, il y a une partie des gens qui sont en fait qui ont un grand-parent ou un parent d'origine européenne, mais qui sont classés comme étant des immigrés dans les statistiques de l'INSEE, et on a fait la part du feu là-dessus. Mais quand vous voyez ces chiffres considérables, qu'on s'intéresse à la natalité halogène dans les maternités, d'un bien ou d'un autre, on essaye d'avoir un ordre de grandeur, et on peut discuter sur des pourcentages, etc., mais grosso modo. Quand vous voyez ça, vous, quel est votre sentiment sur le futur, c'est-à-dire individuellement, comment vous voyez ça, vous, est-ce que vous, parce que nos auditeurs doivent se dire, d'accord, ok, on fait le constat, mais maintenant, qu'est-ce qu'il est souhaitable de faire ? Qu'est-ce qui peut être fait ? Y a-t-il seulement quelque chose à faire ? Et si oui, quoi ? Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus ? Le futur semble bien noir à l'horizon. Incontestablement. Mais Au-delà de ça, moi je dirais que voilà, il faut effectivement, il faut en fait sortir de cette logique de rester dans les statistiques ou quoi que ce soit, parce que ça, on les connaît depuis les années 90. Il y a eu nombreux travaux par Pierre Milhaud ou dernièrement par comment, André Pozzocco, ce genre de personnes qui ont les mêmes statistiques finalement que là on découvre, pour certains en tout cas, de l'INSEE. Bon. Comme tu dis, une fois qu'on a ces statistiques, qu'est-ce qu'on fait? Bah, plusieurs possibilités. Soit on choisit l'expatriation vers des zones qui vont être moins touchées, soit on essaye de se replier, mais là, même le repli, on le voit avec les projets comme Callac ou comme, je ne sais plus comment s'appelle, cette petite commune, sont aussi des zones qui vont être touchées, où on veut mettre des centres d'accueil. Là, la dernière zone touchée, je suis vraiment désolé, j'ai plus le nom, mais on voit qu'il y a quand même des contestations puisque le maire a sa maison et sa voiture qui ont cramé, je Ah, crois. c'était Donc, Saint-Brévin et c'était en Loire-Atlantique. On est à côté de Nantes, là, effectivement. c'est ça, c'est ça. Et donc on voit qu'il y a quand même une lutte qui se met en place dans les zones, disons, hors grande agglomération pour pas recevoir, pour empêcher la ventilation dont le docteur parlait tout à l'heure. L'enrichissement, oui, effectivement. Bah, je pense que c'est un rapport face à la vie. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que j'entends par là? Rapport face à la vie, qu'est-ce que je veux dire? Bah, écoutez, vous prenez les Juifs en Palestine. Ils sont 6 millions, ça s'invente pas, et ils font face à un océan d'Arabes. La taille de leur pays, c'est approximativement la taille de la Bretagne. C'est un état nucléaire. Et ils tiennent en respect je ne sais combien d'États musulmans. Évidemment, avec l'appui du monde occidental, c'est tout à fait clair. Mais enfin bon, même sans l'appui du monde occidental, puisque dans le passé, ils n'ont pas toujours eu le même degré d'implication occidentale à leur côté, ils ont toujours réussi à tenir à peu près en respect les Arabes. L'Europe. Et même la France est dans une situation objectivement beaucoup plus avantageuse pour les populations blanches. La question donc est celle de l'état d'esprit, c'est-à-dire face à cette réalité, quel est notre état d'esprit? Et tant que les populations autochtones, je vais me limiter à la France, hein, sont gouvernées par des idées comme l'égalité, l'antiracisme, la démocratie, qui est purement numérique, c'est-à-dire la majorité a raison, peu importe ce qui compose cette majorité, même quand cette majorité veut votre peau, etc., etc., aucun changement substantiel ne peut avoir lieu. Et il faut se défaire, même s'il ne faut pas ignorer, mais il faut se défaire de l'idée que la majorité est le seul critère déterminant. La qualité joue un rôle essentiel. La qualité joue un rôle essentiel. Et donc, des hommes blancs de qualité peuvent tenir en respect des océans de nègres, des océans d'arabes. Mais ils doivent savoir qui ils sont, ils doivent avoir conscience d'eux-mêmes, et ils doivent se donner les moyens de vouloir survivre. Donc c'est une volonté de vie fondamentalement. Donc, il y a déjà la pulsion élémentaire de vie qui doit être présente, la volonté de vivre, en dépit de tout. Donc, du coup, là, ça écarte un petit peu le sentiment de résignation et autres. Ça ne veut pas dire que la vie est facile, mais ça écarte la résignation. Et ensuite, la conscience de soi, de ses capacités, de ses défauts, de s'adapter, parce que l'adaptation est cruciale pour survivre. Et à partir de ce moment-là, si on se débarrasse donc de toutes ces fausses idées, de ces fausses idoles, de l'égalité, de la démocratie, de l'antiracisme, etc., de ne pas être non plus excessivement fixé sur la question de la bascule démographique, car oui, ça existe, mais en même temps, si vous êtes à 48% 5 ans avant et que vous êtes à 51% 2 ans après, c'est pas une révolution copernicienne non plus, je veux dire. Ça peut être assimilé à une mort lente, mais il n'y a de mort lente que s'il n'y a pas volonté de résister. Donc je crois que c'est vraiment au niveau des consciences dans les masses blanches, que ça se joue. Il faut donc avoir des gens qui déjà veulent vivre. Voilà. Et donc, il faut faire des gosses. Ça passe par ça. Hein. Il faut faire des gamins. Donc, je pense qu'il y a déjà clairement une volonté. La volonté de vie, ça doit vraiment passer par ça au commencement, je pense. Bien évidemment, c'est pas facile. Il y a des, bien sûr, mais ça passe par ça. Deuxièmement, de tout faire pour se débarrasser des mauvaises idées. Alors, bon, il y a le jeu démocratique, les élections, etc. Mais je crois qu'il va y avoir aussi un déniaisage accéléré dans toutes les années qui viennent par rapport à ça, parce que l'homme blanc, hétérosexuel, productif, qui travaille et qui cotise, va réaliser qu'il est progressivement entouré par une majorité de parasites. Fatalement. Parce que quand vous mettez les boomers qui ne sont plus productifs et qui vont voter pour leur classe d'âge systématiquement, donc ça va faire plus de 20 millions de personnes en 2030, les parasites halogènes qui vont voter aussi pour leur pour de l'argent gratuit, vous avez là au plan électoral une convergence objective qui crée une majorité de facto. Alors elle se porte pas aujourd'hui sur le même candidat, c'est pour ça que c'est pas opératif dans le système politique actuel. Donc les vieux votent Macron et les autres votent Mélenchon, mais on ne sait pas de quoi demain sera fait, et il est tout à fait possible que dans une nouvelle configuration institutionnelle, ces deux blocs neutralisent systématiquement la révolte des productifs, des blancs productifs autochtones, qui sont chez eux, faut-il le rappeler. Donc les gens vont progressivement, quand je dis les gens, c'est les gens de race blanche, vont progressivement réaliser, même confusément, hein, et avec beaucoup de difficultés, que le système est truqué contre eux. Que la démocratie 1 plus 1, enfin un homme égale une voix, ça marche pas. Pour eux. C'est-à-dire que le jeu est truqué. Et on va basculer dans l'ethno-mathématique, comme le dit Bernard Lugan, quand il parle de l'Afrique et qu'il explique pourquoi, en fait, c'est des logiques de bloc dans des États artificiellement démocratiques. Il dit, voilà, bon, bah oui, théoriquement, tout le monde aura de mettre le bulletin qu'il veut dans l'urne, mais en pratique, c'est des blocs ethniques qui vont contre des blocs ethniques comme un seul homme. Un peu comme aux États-Unis, le vote Obama, c'était, je crois, 95% pour Obama, 5% pour le blanc d'en face, quoi. Grosso modo, c'est pareil. Et il n'y a que les blancs qui sont encore assez cons pour voter à 50%, vous voyez, parce que c'est les seuls, en fait, qui n'ont pas de conscience raciale. Paradoxalement, tout ce qu'on raconte, donc on nous dit qu'on vit dans une société hyper raciste où les blancs, en fait, pensent race matin, midi et soir, et en pratique, les seuls à ne pas penser à la race, c'est les blancs. Tous les autres pensent à leur race, vous voyez. Ils sont complètement pétris de cette idée-là, je ne leur reproche pas. Ce que je reproche, c'est aux Blancs de ne pas avoir cette idée. Alors, ça va être dur, ça ne va pas être simple, mais quand les Blancs vont avoir, un, une conscience raciale, deux, une conscience de groupe, trois, une stratégie, beaucoup de choses vont changer. Parce qu'ils vont, changer l'orientation des ressources qu'ils allouent à leur politique publique. Ils vont, par exemple, dès demain, si les Blancs décident, si les Blancs le décidaient en France, en disant « on ne donne plus d'argent aux nègres », ça s'arrête. C'est une question de volonté. Il faut que les Blancs le veuillent. Mais ils ne le veulent pas, donc ça continue. Donc c'est une question d'état d'esprit. Et donc le futur, en fait, n'est pas maudit. Mais il faut que l'état d'esprit change. Et il faut qu'on accepte le conflit, le combat. Actuellement, pourquoi les Blancs... Mais ça, accepter le conflit... Ouais, excuse-moi, je m'en ai... Oui, je voulais dire simplement... Accepter le conflit, effectivement, ça c'est très compliqué chez les Blancs aujourd'hui. Hein. Oui, ils sont en esquive, ils disent « oui, non, pas comme ça, truc ». Donc ils sont prêts à acheter la paix avec des tas d'artifices, oui, truc, bon, combien ça coûte, etc. Bon, au bout d'un moment, si vous voulez, ceux d'en face ne vont plus vous laisser le luxe, parce que peut-être ce sera même plus possible, de payer votre ticket de sortie pour avoir la paix. Or, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et voilà, et à ce moment-là, bah, il faudra faire les choix, quoi. Voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup de Blancs qui auront quand même, qui seront, voilà... Qui auront abandonné beaucoup de fausses idées, pas tous, mais un certain nombre, et avec eux, on pourra construire quelque chose de complètement nouveau. Donc ça ne sera plus du tout l'État-nation sorti de la Révolution française, ce ne sera plus du tout ces catégories, on sera dans autre chose, mais c'est peut-être... C'est pas trop tôt, mais c'est peut-être un peu encore prématuré pour certains à appréhender. Donc en fait, il n'y a pas de condamnation, parce que je veux dire, l'espace, même dans la France aujourd'hui, on l'a. C'est pour ça que je citais le cas d'Israël. Je veux dire, là, pour le coup, Israël, c'est un timbre-poste. Hein. Je veux dire, bon, bah, la France, il y a de l'espace, et je ne cite que la France. hein, je ne parle même pas de l'Europe, et je ne parle même pas de la Russie, du grand espace russe, etc. Donc, il y a des possibilités énormes. La clé se trouve dans la tête des Blancs. Voilà. C'est là où doit se porter l'effort guerrier, c'est extirper les Blancs de leur idée égalitaire, universaliste et individualiste, c'est-à-dire de leur croyance dans le fait que tous les individus se valent. C'est faux, archi-faux, absolument faux. Voilà. Voilà ce que je veux dire. J'insiste là parce que les gens sont souvent résignés ou déprimés, on peut rien faire, ils sont toujours de plus en plus nombreux. Ah oui, évidemment, si vous êtes dans un quartier pourri, il n'y a que des bougnoules, il ne faut pas rester là. Mais c'est pas une condamnation. Et si vous voulez, et j'en termine la démonstration de ce que je dis, vous prenez la carte du peuplement réel de la France sur les densités de population pour voir où vit la population française. Où vit-elle, quoi. Vous allez découvrir que des pans entiers du territoire français sont quasiment vides. Encore aujourd'hui, quoi. Les gens sont principalement accrochés à quelques agglomérations, en fait. La majorité de la population. Donc vous avez des immensités d'espaces qui sont disponibles, oui, qui sont encore gendarmés par l'État républicain, c'est un fait, mais ces espaces sont là, et en fait, puisque j'en suis à faire l'analogie avec Israël, même si évidemment je ne dis pas que c'est la même chose ou quoi, mais en fait, grosso modo, parce qu'Israël c'est ça, vous prenez 5 départements français, vous créez un État nucléaire, blanc et raciste. Bon, bah, ça paraît... Un État nucléaire, bon, bah, la France a déjà l'armée nucléaire, vous voyez, 5 départements, bon, c'est pas non plus haut. Vous voyez, c'est un exemple, je veux dire, mais l'histoire est ouverte, et moi, c'est ce que je dirais donc à ceux qui nous écoutent. Si on continue à raisonner en termes, là, républicains avec nos cantons et nos trucs, nos élections, bon, évidemment, là, bon, bah, ça tue toute imagination, toute créativité, toute ambition. Mais si on voit les choses complètement différemment, on voit que les potentialités sont en fait illimitées, pour peu qu'on ait des blancs déterminés. Il suffit juste de trouver des blancs déterminés qui arrêtent de perdre leur énergie avec des trucs à la con et qui utilisent leur énergie positivement en France pour faire des choses utiles et révolutionnaires. Vous voyez, voilà ce que je voulais dire. Si je peux compléter justement, Gandalf, ce que tu dis, en me mettant tout à fait dans la ligne de ce que tu as évoqué et développé, le problème, c'est que beaucoup des nôtres, justement, ont tendance à avoir un esprit un petit peu trop individuel, à voir leur situation, mais à pas voir la situation globale. Et donc, quand j'évoquais le repli, finalement, dans certaines zones, ou l'expatriation, c'est finalement ce qu'on appelle plus communément le vote par les pieds, c'est-à-dire de partir de l'enfer dans lequel on vit, ce repli, vous n'êtes pas obligé de le faire seul. Beaucoup de gens font cette erreur, c'est-à-dire qu'ils font le repli seul en perdant tout lien avec d'autres gens qui sont dans la même situation qu'eux. Or, ce repli, que ce soit en France ou à l'extérieur de la France, vous pouvez l'organiser pour intégrer une communauté. C'est comme ça que ça commence. Dans cette communauté, vous pouvez déjà partiellement échapper à la griffe de l'État par les échanges, ce qu'on appelle communément le troc, par l'apprentissage de compétences qui vous serviront dans la vie de tous les jours, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Mais c'est comme ça qu'en fait on crée cet esprit de communauté. C'est et qui permet d'une certaine manière de sortir de tout ça, de créer l'école à la maison, ce genre de choses, et donc de conserver un noyau assez sain. C'est une chose aussi qu'on a vu beaucoup en Afrique du Sud, et qui n'a pas trop mal marché dans certains cas, et qu'on devrait reproduire même à petite échelle. Hein, faut pas négliger, je pense que ne serait-ce que quelques familles saines, c'est déjà un noyau très puissant, qui peut se protéger, que ce soit contre les exogènes ou contre l'État, contre les agents de l'État. Vous aurez beaucoup de choses sur le dos, mais tant que vous ne faites pas une secte, normalement, c'est quand même assez difficile que l'État s'en prenne à vous si vous êtes discret, etc. Et je pense qu'effectivement, comme tu l'as dit, au bout d'un moment, ça permettra de reprendre une conscience et d'avoir une communauté consciente d'elle-même. Qui a commencé le projet de Monsieur Macron bien avant Monsieur Macron, puisqu'en fait la Belgique a créé ce que l'on appelle les systèmes faits d'asile, donc systèmes d'asile fédéraux, qu'elle a éparpillé dans toute une série de villages en Flandre, en Wallonie, dans la zone de Bruxelles-Capitale, etc., etc. Donc, le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est qu'on est en train de saturer nos campagnes avec des bougnoules et des nègres. Ça, c'est la première chose. Mais surtout, le gros problème, j'ai rien contre les regroupements, hein, les gars, soyons très clairs, c'est très intéressant. Mais le problème des regroupements, entre guillemets, de blancs et de gens normaux, ça n'aura qu'un temps. Ça n'aura qu'un temps parce que face au rouleau compresseur de l'État, à partir du moment où tu te regroupes dans une zone spécifique dans laquelle, admettons, nous soyons tous nationaux socialistes, eh bien, les couillons du ghetto de Varsovie, ce sera nous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sera regroupé dans une zone X, il suffira à l'État de fermer la zone, de nous priver de toute énergie, et à ce moment-là, on fait quoi ? Ah oui, ça, je suis d'accord. Hein. C'est-à-dire, je pense, au niveau communautaire dépolitisé, ça, j'y crois pas du tout. Ça interdit pas d'avoir des lieux où on se retrouve, etc., mais de dire que la seule solution, c'est d'être entre nous, etc., des espèces de communautés comme ça, sans activité politique, ça me paraît illusoire, et d'avoir tous les gens regroupés au même endroit aussi, je veux dire. Ça, je partage ton avis, hein, je veux dire. Non, il faut quand même une conception politique. D'autant qu'il faut comprendre que l'État en question, ce sont des populations blanches, bien souvent alors sous la direction des Juifs, hein, mais qui font le jeu parce qu'elles en retirent un avantage. Et donc, ce sont des populations qui sont... Enfin, ce sont des populations blanches. Tu viens de le dire par toi-même, en fait. Ce sont des populations blanches dirigées par des Juifs. Oui. C'est-à-dire que, soyons très clairs, quand Zemmour a lancé son parti, si au lieu de s'appeler Éric Zemmour, il s'était appelé Éric Durand, ce mec aurait été massacré dans la seconde. Et il aurait même pas eu le temps de dire « je suis candidat à la présidence de la République » qui se serait déjà retrouvé devant un tribunal. Zemmour, lui, il est youp. Il peut tout se permettre, il n'y a absolument aucun problème. Il ira faire trois petits tours devant un tribunal, histoire de montrer qu'il y a quand même encore un semblant de démocratie, mais c'est tout. Il n'y a absolument aucun problème. Et c'est tout le même que nous avons. Alors, en pratique, travaux pratiques, tu parlais de fait d'asile en Belgique, ce programme gouvernemental. Et alors, nous avons un exemple ici, un nouvel exemple dans l'Ain. J'ai tenu à raconter cette histoire. Bon, elle fait parler, mais à raison, puisque bon, bah, le système central continue sa politique. Alors là, nous sommes à la veille des JO à Paris. À la veille, j'exagère un peu. Les JO sont en 2024, nous sommes en 2022. Mais enfin, vous avez bien compris, il s'agit de préparer le terrain. Alors, je lis cet article du Progrès. Et vous allez voir que c'est pas sans raison, puisque nous progressons. Alors le voici, cet article. Alpha 3A, association loi 1901, dont le siège social se situe à 11 km à Ambérieu, en Buguet, ou Buget, excusez-moi si vous êtes du secteur et vous connaissez, moi je connais pas, propriétaire du château, donc de la commune en fait de Saint-Jean-le-Vieux, depuis 2021, y installe prochainement des, je cite, « personnes sans abri ». Et le journal Le Progrès s'intéresse davantage à ces personnes sans abri, vous allez voir, on en apprend quelques-unes. Alors, une offre d'hébergement sera effectivement proposée au château de Varay par Alpha 3A, en raison des besoins pour les services de l'État de place pour l'accueil de migrants, confirme la préfecture de l'Ain. Le profil des futures personnes accueillies n'est à ce jour pas connu. Des familles, le château dispose de chambres et de cuisines aménagées, alors là je dis bien au pluriel, hein, de cuisines aménagées, et en fonctionnement. On parle aussi d'une population du 115, croit savoir Françoise Jourdain, adjointe à la mairie de Saint-Jean-le-Vieux, déléguée pour le coup à l'action sociale, et cadre chez Alpha 3A. Donc comprenez bien, chers auditeurs, Françoise Jourdain, qui approche de la soixantaine, qui est obèse d'ailleurs, est à la fois conseillère municipale auprès du maire et permanente de cette association qui s'occupe des migrants et qui reçoit donc des contrats de la part de l'État. Et on comprend bien qu'elle a servi de go-between, comme on dit, d'intermédiaire, pour les installer dans le château de Varay, qui est une belle forteresse du XIIe siècle, rénovée, cela va sans dire, qui est devenue, il y a peu, la propriété de cette même association, hein, qui a un partenariat exclusif avec l'État, mais aussi des contrats subventionnés avec la région et avec le département. Alors je continue l'article. Une autre piste mène aux migrants délogés des futurs sites des Jeux Olympiques de Paris. Comme lorsque la jungle de Calais a été démantelée, le verbatim de l'État est « effort de desserrement des grandes métropoles », relate le directeur général d'Alpha 3A, Guillaume Beaurepaire. Voilà. Donc le directeur de l'association en question dit « bah voilà, l'État nous dit qu'il va desserrer, c'est un effort de desserrement, donc il va desserrer les grandes métropoles. » Sous-entendu, on va dégager les nègres des endroits où il y aura les compétitions, où on va héberger les athlètes, où il y aura des touristes, etc. Voilà, vous avez compris. Hein. Donc, directeur donc, qui se trouve, comme d'autres directeurs d'associations similaires partout en France, sollicité en urgence par les services de l'État. On se trouve ici hors des schémas classiques, comme celui d'un appel d'offres pour créer un CADA, un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, par exemple, précise le directeur. La seule certitude, une cinquantaine de personnes de plusieurs nationalités arrivent. Quand ? Là encore, ça reste flou. J'ai demandé 30 jours de mise en place à partir du top que je n'ai pas encore reçu, assure Guillaume Beaurepaire, donc le directeur. Celui-ci pourrait retentir dans le mois. Hein. Donc voilà, une cinquantaine de migrants arrivent d'ici peu dans le château. Là, c'est une question de jours, de semaines. Côté salarié d'Alpha 3A, on s'étonne. Plusieurs indiquent au Progrès ne pas être au courant du projet, et ce, malgré une réunion du CSE, du Comité Social et Économique, la semaine passée. Les équipes, on saura les mobiliser, répond le directeur général. Ça donnera lieu à des embauches. Nous sommes devenus suffisamment gros pour absorber ces créations de postes. Gros, sous-entendu que l'activité sociale se développe avec les chèques très généreux de la préfecture. Côté Gandalf. Vas-y, oui. Gandalf, je tiens quand même à rappeler une chose, c'est que pour les migrants, venir en France, c'est avoir la vie de château. Ici, on est carrément en plein dedans. Là, on est en plein dedans. Non, là, c'est la vie de château, effectivement. Alors, côté commune, donc là, chez les administrés, le maire, etc. Alors, comment ça se passe ? Alors, personne ne semble informé non plus. À la sortie de l'école élémentaire, donc là, c'est une déclaration, « Vous nous l'apprenez », relève une mère d'élèves. « Je savais que le château appartenait à Alpha 3A, mais pas ce qu'ils allaient en faire », note ce père de l'Abergement en Varay, le village au-dessus du hameau de Varay. La maîtresse donc d'école, qui accueille déjà des enfants scolarisés du Saphir, probablement un truc assisté aussi, n'en sait pas plus, mais redoute déjà le manque de moyens si des élèves venaient à garnir les listes scolaires. Ça va garnir, messieurs. Alors, en fait, c'est ce qu'on croit découvrir dans les déclarations, c'est qu'ils disent, bon, ils viennent de l'acheter, mais on ne savait pas trop pourquoi. Ils viennent d'acquérir le château, on ne sait pas trop pourquoi, on en parlait dans le village, on n'était pas trop sûr, etc. Et là, ils découvrent, en fait, c'est probablement un truc qui est calculé depuis longtemps à l'avance, en fait. C'est ça qu'on découvre. C'était un plan qui était ourdi depuis un long moment, en fait. Alors, je poursuis. Parmi les 1950 Vicusiens, donc du nom des habitants de ce village, ils ne sont qu'une poignée à avoir connaissance du projet, dont, évidemment, le premier magistrat, Christian Bataillé. Alors, voici ce que dit le maire. La préfète de l'Ain et la sous-préfète de Nantua sont venues nous en informer lors d'une réunion le 24 mars, précise le maire. Mais ce n'est pas notre dossier, ce n'est pas notre initiative. En ma qualité de maire, je n'ai pas eu de signature à apposer. Vous avez entendu ? J'y suis pour rien. Christian Bataillé, qui vient d'écrire à ses adjoints jeudi soir, développera le compte rendu de sa réunion avec la préfecture en conseil municipal lundi, et prépare la municipalité comme il le peut, parce qu'on navigue à vue, dit-il. Il met d'ores et déjà à la disposition d'Alpha 3A, donc l'association, et de la préfecture, une salle communale pour y organiser une réunion publique préalable à l'accueil du nouveau public. Voilà. Alors, le nouveau public, c'est comme ça qu'on appelle les migrants qui déboulent dans les villages de France et de Navarre et dans les châteaux. C'est-à-dire qu'en fait, les gueux de la commune, ils vont rester dans leur clapier, mais les migrants qui arrivent d'Afghanistan, de Somalie, du Sénégal ou de Gambie, alors eux, ils sont carrément logés dans les anciens murs du seigneur des lieux, qui était le seigneur de Coligny, je me suis renseigné, Guéric de Coligny, croisé de son état, il a participé à la deuxième croisade, parce que c'était un suprémaciste blanc, islamophobe, donc il a participé à répandre le terrorisme blanc en terre d'islam, donc c'est vous dire si déjà le mal est profond, et donc la réparation se poursuit sous la direction de la République juive, voilà, on commence à réparer, on fait un travail sur nous-mêmes, on fait le travail, on corrige, bon, il y a l'esclavage, la colonisation, il y a beaucoup de choses à se faire pardonner, donc c'est bon, c'est lancé, les habitants donc, de ce village, je leur dis, ça va bien se passer, et alors, juste en note de bas de page, et là, excusez-moi, mais le maire est un maire très très bien, il s'appelle Christian Bataillis, c'est un chic type, qui est très en avance sur son temps, puisque soucieux, en fait, probablement du climat ou alors des restrictions électriques à cause de la guerre en Ukraine, a coupé l'éclairage de nuit. Il n'y a plus de lumière la nuit dans ces rues. Alors moi, je sens que chez ces administrés, surtout au féminin, on va très bien dormir la nuit en sachant qu'il n'y a plus de lumière dans les ruelles, et qu'il y a des Afghans, des Pakistanais au château, ça va bien se passer. Qu'est-ce qui pourrait franchement déconner, hein, je veux dire, dans les rues noires du village, qu'est-ce qui pourrait bien déconner, franchement, il faudrait vraiment être un électeur de Marine Le Pen pour avoir des mauvaises idées. Alors, voilà, moi je suis... Mais ne dit-on pas noir comme dans le trou de cul d'un nègre? Je ne sais pas, moi je n'ai jamais entendu celle-là, mais bon, pourquoi pas. Alors messieurs, ce programme républicain, est-ce qu'il vous a convaincu ou pas? Est-ce que vous auriez apposé, si on vous avait demandé bien sûr, votre signature en bas de page? Le maire, M. Bataillis, déplore malheureusement de ne pas pouvoir le faire. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que voilà, la forteresse du croisé Coligny qui bascule entre les mains des moudjahidines du peuple, maître des lieux, qu'est-ce que vous en dites là? Est-ce qu'il se passe quelque chose ou est-ce que non, tout va bien, la République? Les blancs au boulot, les nègres au château déjà pour commencer. Donc tout est dans l'ordre des choses finalement. Moi, ce qui me sidère quand même à chaque fois dans ces histoires d'importation forcée là, de migrants. Alors déjà, c'est la nouvelle langue que le système utilise à chaque fois. Alors là, je crois que c'est la première fois que j'entends ce terme, desserrement là par rapport à, oui, par rapport aux nègres qu'on ne veut plus, oui, voir traîner dans Paris. Voilà, les nouveaux publics. Et puis moi, ce qui a quand même le don de me mettre en rage, c'est quand même ce qui est pas étonnant d'un côté, c'est toute cette petite mafia là de toute médiocre là, de tous ces petits de tous ces maires, toutes ces rombières ménopausées là qui en fait, comme tu l'as dit, ça devait être certainement prévu de longue date. Donc ils ont tout organisé à l'avance, ils ont tout caché à tout le monde. Et puis bah ils vous mettent devant le fait accompli quelques jours avant, en fait. Oh, au fait, vous avez 50 négrons là qui débarquent dans votre château. Alors le château, il est plus à vous maintenant, c'est à Fofana, et merci, au revoir, quoi. Donc c'est quand même magnifique. Ouais, c'est ça, t'as raison de pointer ça du doigt, c'est le côté mafieux et médiocre du truc, c'est les associations qui ont tampon de la préfecture, donc il y en a une dans chaque département, une ou deux ou trois, quoi, ça dépend. C'est un fermage, en fait c'est un fermage, c'est comme sous l'Ancien Régime, il y a un fermage, ils ont le fermage sur les migrants, c'est marrant parce qu'ils ont changé les noms, mais grosso modo on est sous l'Ancien Régime, quoi, je veux dire, donc voilà, donc t'as des associations, tu vois, qui ont le monopole du migrant dans un département, ils touchent sur chaque tête de migrant, c'est financé par le contribuable, et... ils prennent possession des lieux. Donc vraiment, hein, là carrément, là je dis c'est l'ancien régime, mais là ils ont carrément des châteaux. Je sais pas ce qu'il faut plus aux gens, quoi. Je veux dire, c'est des associations qui ont le monopole de la traite des migrants. J'exagère à peine le mot. Et ils les foutent dans des châteaux avant d'aller les distribuer à droite à gauche dans quelques entreprises louches, parce qu'il y a ça aussi que peut-être les gens voient pas. C'est vraiment la mafia, ok. Donc vous avez ces associations qui touchent des chèques. C'est discrétionnaire, hein. Vous ne pouvez pas savoir les montants alloués à ces trucs-là. Vous allez frapper à la porte de la mairie, combien ils touchent ces mecs, on va vous dire, ça ne vous regarde pas, etc. Vous demandez à un maire, ça ne vous regarde pas. Vous ne pouvez rien savoir. Vous ne pouvez pas activer aucune requête, ça. C'est vraiment... C'est entre quatre murs, entre le responsable délégué par l'État à la tête de X association et le préfet. Hein. Donc, il donne le volume qu'il veut d'argent pour en faire ce qu'il veut. Il n'y a aucun droit de regard, d'accord ? Et là-dessus, il y a les patrons véreux qui se greffent. C'est-à-dire que vous avez toujours dans les copains, et là c'est des réseaux maçonniques aussi, quoi. C'est-à-dire que vous avez le, je sais pas, vous avez un patron véreux d'une loge X qui connaît les bonnes huiles dans le département, qui veut dire, ouais, t'as été, je cherche un peu des mecs là pour bosser sur mes trucs, machin. Ouais, mais t'en fais pas, je vais t'en mettre un peu de côté, etc. Vous savez, du truc non qualifié, quoi. Je sais pas, ça peut être. Il y a différents types d'activités qui peuvent tomber sous cette catégorie. Et alors, par ce biais-là, le mec de l'association va orienter les migrants dans ce truc-là, et on va les faire. On va essayer d'en tirer quelque chose sur ces chantiers-là. La moitié pourra être fait au black. Évidemment, le préfet va pas pousser davantage. Il va pas aller dire mais vous exploitez les migrants ou quoi, tu vois. Donc tout le monde va faire comme s'il voyait rien. Et en fait, eux, ils font du fric. Eux, ils font du pognon. Oui, c'est vrai qu'ils vont pouvoir faire du blé. Par contre, le contribuable, lui, il perd sur toute la ligne. Donc c'est ça l'arnaque totale du truc. Et après, s'il y a des gens qui bronchent, vous avez le journaliste maçon du secteur ou le chef de rédaction maçon du secteur qui va dans sa feuille régionale ou dans sa feuille départementale, donc ça peut être Le Progrès, La République du Centre, ou machin, vous faire un article comme ça sur le repli sur soi, l'extrême droite, le racisme, etc. Voilà, c'est vachement bien fait, quoi. C'est vachement bien fait. On vous tend le micron et une rombière, elle est là par humanisme, etc. Tu vois, après, tu as des faits divers parfois, donc parfois ça affleure. Tu découvres que quand c'est pas des femmes, c'est des mecs. Mais D'ailleurs, petite remarque... Petite remarque au passage, Françoise Jourdain a quand même le nom d'un fleuve qui passe dans une certaine au Moyen-Orient. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Effectivement. Ouais. Non, mais tu découvres des fois des trucs assez marrants. C'est à des volontaires qui accueillent des migrants. En fait, ils se font tuer par. Il y avait un gars comme ça en Normandie. C'était un permanent d'association pro-migrants. Tu découvres qu'en fait le mec était PD, qui demandait, enfin qui faisait miroiter monts et merveilles aux migrants clandestins qui venaient, qui sur lesquels il lorgnait. Et il disait, viens chez moi, viens dormir à la maison, tu vois. Alors l'autre, il disait, bon ouais, c'est la bonne affaire. Et il lui disait, vas-y, tu veux pas m'enculer, tu vois, ou inversement, quoi, tu vois. Et celui-là, en Normandie, lui, il s'est fait casser le crâne à coups d'extincteur. Il est mort. Donc c'est ressorti ensuite dans la presse. Là, il y a homicide qui s'est passé, ah oui, c'était un volontaire, il y a eu un drame. Et puis après, tu vois, la presse, elle est très pudique. C'est-à-dire que la presse de gauche, elle est pas là, oh là là... Tu vois, il y avait un truc absolument sordide. Ils disaient, non, c'est une relation qui est un petit peu... On ne connaît pas exactement la raison, etc. Tu vois. C'est complètement bidon. Récemment, il y avait encore dans un autre domaine, c'est un mec qui hébergeait une Algérienne, il a été assassiné. L'Algérienne l'a planté. C'était il y a un mois, ça. Il y a des tas de trucs comme ça, je veux dire. C'est un énorme business. C'est un énorme business. Et il faut le dire aussi, c'est-à-dire que... Parce que d'un côté, ces immigrés, eux, ils ouvrent toutes les portes qu'ils peuvent enfoncer, ils les enfoncent. Mais attention, les gens qui mettent la main sur eux, ils les exploitent. Attention, hein. S'ils peuvent les exploiter, ils vont les exploiter. Ça peut, et parfois, sexuellement. Ça, c'est trop ignoré. Et en Italie, et j'en finis pour ma petite prise de parole, là, en Italie, on sait que la raison principale du militantisme du clergé catholique pour les migrants d'Afrique est motivée sexuellement. C'est-à-dire que les prêtres consomment les migrants. En général, d'ailleurs, ils sont passifs. Je peux vous le dire parce que c'est des interviews au long cours que j'ai lues dans la presse de gauche française, parce qu'en fait, c'était les PD de la gauche, c'était les homosexuels de la presse française qui en ont marre de voir l'Église catholique ne pas faire son coming out. Et donc, ils sortent des histoires comme ça pour les faire chier. Et ils disent, bah, en fait, entre quatre murs, c'est, vous êtes pédés comme nous, pourquoi vous le dites pas? Arrêtez de jouer les faux culs. En gros, c'est ça. Et alors, il y avait un truc, mais vraiment, en long, en large, hein, et ils expliquaient ça dans le menu, on avait parlé d'ailleurs dans l'émission, où vraiment, la principale motivation de ces prêtres en faveur des migrants est sexuelle. Donc, ils aident un lot, et dans l'eau, il repère un, il voit si ça passe un peu, il dit hey, écoute, truc, je peux m'occuper de toi, tes papiers, tes trucs. Ce qu'ils font d'ailleurs, hein, ce qu'ils font. Hein. Mais à charge pour le migrant de l'enculer. Ouais. Il y a eu un scandale comme ça en Guyane aussi d'ailleurs, où il y avait des migrants clandestins qui venaient d'île des Caraïbes. C'est carrément l'évêque là-bas, hein. Il a dû démissionner d'ailleurs, parce que lui, c'était un consommateur des faibles marrons. Alors, tout le monde le savait. Enfin, ça avait pris de telles proportions, etc. Puis, au bout d'un moment, il a commencé à dire il avait proposé à quelques clandestins comme ça, de type africain, qui sodomisaient, est-ce que tu veux pas devenir prêtre, etc., machin. Donc, leur donner, en fait, une excuse pour avoir des papiers, une situation, etc. Alors, ça s'est découvert, et du coup, le scandale, donc, on l'a gentiment caché dans un monastère ou je ne sais où, comme fait toujours l'Église catholique depuis 15 siècles. Enfin, en tout cas, leur bête galeuse, il est fou dans les monastères depuis toujours, mais je veux dire, voilà, quoi, hein, je veux dire, et ensuite, on est passé vite à autre chose, et les autorités républicaines ont aussi, parce qu'ils protègent les migrants, donc ils ont dit, bon, alors, pas trop en faire non plus là-dessus, et voilà. Donc, c'est toujours intéressé, quoi, je veux dire. Mais les gens sont naïfs, ils croient que voilà, c'est parce que les gens, que ces bénévoles, ils ont le cœur sur la main, etc. Non, c'est des rombières qui veulent se faire sauter par des nègres, c'est des PD qui veulent se faire sauter par des nègres, ou qui veulent sodomiser des jeunes arabes, parce que ça existe aussi. Il y a du pognon à se faire avec des patrons véreux, ok, voilà, avec la subventionnite généralisée, t'as moyen, avec la subventionnite généralisée, tu peux louer à des copains, c'est-à-dire t'as des gens, ils ont du bien immobilier. Si vous êtes sûr d'avoir des locataires garantis par l'État, vous pouvez aller voir le banquier, faire des prêts et acheter des biens immobiliers. Eh ben, c'est possible si vous avez l'entregent, c'est possible si vous avez les bons relationnels dans les préfectures, etc. C'est un super business. Par contre, le contribuable, il se fait ratiboiser. Et comme tu l'as bien dit, bah voilà, dans une commune comme ça, là, où il y a le château et tout, donc il y a un plan immobilier pas possible là-dessus, j'ose même pas imaginer ce qui a été trafiqué derrière ça. Ils ont fomenté ce truc depuis des années, et comme tu l'as bien dit, bah voilà, 15 jours avant qu'il déboule, la bonne nouvelle est annoncée aux habitants. Ils peuvent rien faire, c'est trop tard, tout a été verrouillé. L'État s'en est mêlé, les loges maçonniques s'en sont mêlées, les copains s'en sont mêlés. Tu peux rien faire, c'est réglé. Les mecs de la presse, alors là, les mecs du Progrès, je le dis en toute honnêteté, l'article, il est honnête intellectuellement, parce que ils font bien sentir qu'ils ont mis la population devant le fait accompli et qu'en fait, ils étaient tous dans la combine. Ils le disent pas comme ça, ils disent pas, ils étaient tous dans la combine, ils vous ont mis devant le fait accompli, mais ils disent, tiens, c'est bizarre quand même, les mecs, ils disent rien savoir, mais ils ont tout préparé, tu vois, bon. Pour qui sait lire entre les lignes, le journaliste en question a fait son job. Et je me suis renseigné, ça fait de nombreuses années que ce journaliste, il couvre la commune, donc je pense qu'il doit y vivre. Et je pense que c'est pour ça que ça passe pas trop. c'est que le journaliste en question, qui par ailleurs doit probablement être antiraciste, tout ce qu'on voudra, maintenant qu'il sait qu'il y a des bougnoules et des nègres qui débarquent dans son pays, tout d'un coup, ça commence à devenir un peu moins sexy. Voilà. Bon, j'ai déjà trop parlé. Bah, les bougnoules et les nègres, c'est toujours mieux chez les autres. Hein. C'est toujours pareil, hein. C'est toujours le même problème. Et c'est le problème de base, en fait, avec leur fameux desserrement pour les Jeux Olympiques. Hein. On veut des nègres, mais bon, pas trop quand même. Et puis, assez loin, si possible. Hein. Est-ce que vous pouvez m'en parler davantage sur justement cette histoire-là du fait de dégager les nègres avant les Jeux Olympiques? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Le cynisme de Macron, je veux dire. Et ben, en fait, même des bobos de Paris, quoi. Je veux dire, carrément, ouais, non, on va foutre ça chez les paysans qui votent Le Pen et on aura la paix, quoi. Moi, je crois qu'ils les aimaient bien. Pourquoi ils s'en débarrassent? Je comprends pas. D'ailleurs, il faudrait plutôt dire dénégrer que desserrer, ce serait un peu plus juste. Mais desserrer oui, les fesses de qui? J'aimerais bien comprendre, là, je veux dire. Bonne question, ouais. Mais non, mais c'est toujours dans le même mouvement, c'est-à-dire voilà, c'est ils les aiment, mais pas à côté de chez eux, comme vous l'avez bien dit. Et bon, ils ont beau dire oui, il n'y a aucun rapport, absolument aucun rapport entre immigration et délinquance. Bon, il s'avère que quand il y a un gros événement qui va permettre de donner une image à l'international de la France, et là, pas des moindres comme un événement, bon, là, ils réfléchissent et ils se disent, il y a beau avoir aucun rapport, on va minimiser les risques de débordement. Donc, finalement, ça revient à tout ce qu'on a dit précédemment, on a beau balancer les chiffres, ils savent qu'on a raison. Ils ont les mêmes chiffres que nous, mais ils nous donneront tort pour d'autres raisons plus ou moins explicites. Donc voilà, maintenant il faut passer à la vitesse supérieure et plus s'arrêter aux chiffres mais, et aux dénonciations, mais bien agir d'une manière ou d'une autre contre ces pratiques d'immigration intensive. Et puis je me permets de rajouter aussi par rapport aux Jeux Olympiques, je pense aussi l'État veut absolument éviter une réitération du fiasco du Stade de France, hein, avec les fameux supporters anglais, parce qu'ils ont beau communiquer et dire n'importe quoi, ils savent très bien ce qui se passe, ils savent très bien qui est à l'origine de ce genre de troubles, comment ça se passe à chaque fois. Ils sont quand même pas nés de la dernière pluie, enfin je pense pas. Donc voilà, c'est vraiment. On sent que c'est vraiment l'image qui prime avant tout, et en fait je pense qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient s'expliquer comme ça de manière un peu plus générale dans ce pays. C'est toujours l'image. Quelle image on veut renvoyer aux autres. En l'occurrence, là ça va être à la scène internationale, quoi. Mais voilà, c'est ça, c'est bon, ok, on a des nègres, c'est le bordel, Paris, c'est jonché d'ordures, ça pue la pisse partout, c'est un véritable coupe-gorge. Mais bon, on va essayer de faire comme si de rien n'était, donc quitte à saloper un peu plus tout le reste du pays. Et bah, du moment que l'image est préservée, et bah, allons-y, quoi. Oh, je pense que les gens, là, au château de Varay, ils vont s'adapter, aux ligues en anglais, là, ça devrait aller, non, ça... Mais apparemment, ils ont vu les choses en grand, puisqu'Emmanuel Macron a dit qu'on pourra se baigner dans la Seine en 2024. C'est bon, c'est garanti. Donc, il va pas que nettoyer les rues, il va aussi nettoyer la Seine. Si baigner dans l'urine de nègre, autant aller à Aqua Boulevard, c'est pareil. Hein. Oui, oui, tout à fait, oui. Ouh, ça m'a choqué. Ouh, j'ai vu des images d'Aqua Boulevard. Franchement, je vois pas l'intérêt. Hein. ça m'a choqué. Mais non, mais c'est très révélateur, hein, de ce régime, quoi. Ils se disent, voilà, pendant 2 semaines, il faut que... Et ils s'y prennent longtemps à l'avance, ça c'est quand même remarquable. C'est-à-dire, ils disent la jungle de Calais. Oui, c'est vrai qu'ils ont ventilé la jungle de Calais. Alors, c'est vrai, c'était 10 000 nègres. Enfin, il n'y avait pas que des nègres, d'ailleurs. Mais bon, c'était 10 000. Vu du ciel, c'était assez impressionnant. Sauf qu'en fait, à Paris, je ne sais pas la masse dont on parle, mais c'est certainement pas 10 000, hein. C'est beaucoup plus. Parce que pour qu'ils s'y prennent 2 ans à l'avance dans la ventilation, ils veulent arriver à des niveaux sur Paris qui soient très inférieurs, hein, à ce qu'il y a actuellement. Donc, chers amis parisiens, tant mieux pour vous, vous allez voir la décrue. Vous allez voir la décrue, et vous allez dire, ben, c'est bien, il y en a beaucoup moins qu'avant. Waouh, enfin le contrôle aux frontières. Non, les frontières sont pas contrôlées, c'est simplement qu'on arrose, tu vois, c'est ça, quoi. Voilà. Ah, par contre, au château de Varay, dans l'Ain, il risque d'y avoir des caddies qui vont apparaître avec du maïs cuit, hein. Je vous préviens aussi, pour divertir les touristes qui viendront éventuellement visiter cette très belle forteresse du XIIe siècle, je ne sais pas. Mais bon, voilà, voilà, pour faire de l'aviron sur la Seine. Putain, mais oui, ils vont devoir faire l'aviron sur la Seine. Putain, je sais pas ce qu'il va vouloir foutre dans la Seine, mais du chlore, mais des tonnes de chlore, enfin des centaines de tonnes de chlore, parce que là, sinon ils vont canner les sportifs. C'est pas possible, quoi. Je veux dire. Putain, oh mon Dieu. Je pense qu'ils auront reconstruit la Notre-Dame, et je suis sûr que Macron a pensé ça comme ça. Faire l'inauguration en même temps pour amuser la galerie, etc. C'est tout est pensé là-dessus. Ah, et puis pour se faire mousser Ouais. Tu sais, pour se faire mousser, c'est un mégalomane, ce type. C'est ouais, on va reconstruire Notre-Dame. Ouais, vous allez pouvoir vous baigner dans la Seine. Et puis, puis les préservatifs gratuits pour tous. Voilà, c'est génial. Plus de nègres. À mon avis, autant, c'est plus réalisable de rendre la Seine baignable que d'épurer Paris de ses nègres. Je pense que bon, je sais pas. Enfin, on va voir. Ou alors c'est un fiasco total et il y a toujours autant de nègres, la Seine est toujours aussi dégueulasse et Paris sera, Notre-Dame sera pas, le chantier sera pas clos. Je ne sais pas. Enfin bon, vous avez compris l'idée. On va suivre ça de très près. Alors amis de l'Ain, si vous êtes, moi je suis curieux, on est curieux. Si vous avez des informations, si vous êtes in situ, sur place, communiquez-nous des informations, faites-nous savoir de quoi il retourne. Moi je veux suivre ce dossier de très très près. Hein. Il y a des choses à faire. Si vous avez un château vide, vous ne savez pas quoi en faire, contactez-nous, nous avons des projets, nous avons des plans innovants, plus intéressants que d'y foutre des nègres, donc à tout hasard, voilà, hein, une bouteille à la mer, sait-on jamais. À la semaine prochaine, les amis. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.